OK, les gars. À soir, deuxième podcast de la saison. Là, on va pas s'enfler à la tête parce qu'on est le podcast le plus populaire sur le hockey au Québec. Ouais, mais on n'est pas les seuls. Quoi? On n'est pas le seul comme podcast de hockey. Vous êtes en train de me dire que on s'entraîne puis qu'on n'a pas d'adversaire? Mais non, c'est... Ouais, coach. Mais non, ça va être bon, là. Ça va bien aller. Ouais, on est prêts. Ben, on va y aller pareil. On va donner tout ce qu'on a. On va travailler dans les coins. On va patiner fort. Puis à soir, on réintègre le 98 dans l'alignement. Premier match de la saison. Sir. Je suis prêt. Les gars, on a besoin d'un gros chiffre. Ça va nous prendre une coupe de buts à soir. Début. Ça nous prenait un hat-trick, man. Après la dernière game. C'est pas un trick, mais j'étais gros chiffre. All right, c'est bon. Après la dernière game qu'on a eue, faut rebâtir la confiance. Yes. Fait que les gars, vos bâtons dans le milieu. Pod! Pod! Pod! Pod! Pod! Pod! Pod! Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Crompe, le numéro 13, David Thibodeau, le numéro 7, Martin Véraud et le numéro 98, Alex Galipo. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cet épisode numéro 2 de la soirée du podcast, édition du 1er mars 2013. Récapitulation du dernier mois de hockey. Oui, on est toute l'équipe complète aujourd'hui. Alors, les quatre. Alex qui réintègre l'alignement après une blessure au bas du corps et au haut du corps simultanément. Oui, ça a fait très mal. Je suis avec vous maintenant. Je m'en suis remis. Vous pouvez suivre la soirée du podcast en direct maintenant sur yonk.ca/live. Donc, yonk.ca/live. Vous pouvez nous poser des questions, faire vos commentaires sur notre petit chat également, directement. Ouais, également via notre Twitter, @soirée du podcast. Ouais. Dave est au contrôle des médias sociaux. Moi, vous jasez ça à soir. On contrôle ça à soir. J'ai comme l'impression, on vous rappelle le concept, la soirée du podcast, qui est un podcast de discussion sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Pendant que Mark écrase un bouchon de bière. Et comme voilà! Un homme. Yes! En plus, c'est un bouchon de Molson Dry. Fait que, tu sais, ouais, que, c'est ça. C'est beaucoup d'eau dedans. Fait que c'est plus facile. Donc, notre podcast est séparé en trois périodes de 20 minutes. Et au besoin, on va en prolongation et ou en tir de barrage. J'ai l'impression qu'à soir, on va avoir besoin d'aller en prolongation. Hey, on veut un tir de barrage. Hein. C'est tellement spectaculaire. Ouais. On espère que vous allez préparer vos meilleures feintes. C'est une belle game. Ouais, c'est ça. Fait que oui, on se concentre sur le Canadien et puis un petit peu sur la Ligue nationale aussi. Tu sais, dans une proportion, tu dirais quoi, 80-20 à peu près? Ah ouais, je trouve que c'est un bon pourcentage, ça, JF. Je trouve que dans les statistiques, là, tu l'as, t'es fort. Ouais, ça c'est à moi que je le garde. Ça. Oh ouais, c'est ta partie. C'est ta qualité, ça. Moi, les stats, je m'en ai donné, 73%. T'as un average de combien à peu près, toi? Moi, 4 sur 3. Oh, c'est bon, ça. Ça fait un entier, ça. Ouais. 4 sur 3. Nice. Prends une petite gorgée comme ça, et puis je pense que, écoutez, on devrait commencer la première période. En fait, on va commencer tout d'abord le match. Ah, alors, vos bâtons au centre de la glace, et on s'apprête à déposer le gourdin, le palais, tout ça. Le gourdin. Le palais. C'est de bien parler pour nos gourdins. Nos fans français qui nous écoutent. C'est un vrai mot français, le gourdin. Ouais. Wesh. Alors, on drop la poque et on commence la période. Skate pour un bon 20 minutes. Ça, c'est-tu Stan Buzzer français aussi, ça? Ouais, il a été importé. En Suisse. Ou du tracteur en Russie, là. Fait qu'on revient sur les activités du Canadien du mois de février. Le Canadien, qui présentement, aujourd'hui, est en première place de l'Association de l'Est. Oui. Avoue que personne n'aurait pensé ça. Non, un exploit. À quoi est dû le succès Moi, du Canadien? Moi, j'avais dit que le Canadien se retrouverait probablement pas dans les séries cette année. Bon. Mais c'est sûr qu'ils font une série. C'est sûr quasiment. Ouais. Par défaut, il est fort. Ah, ben, c'est sûr. S'il continue à jouer comme juste au-dessus de 500, ils vont y faire. Parce que la moyenne, c'est 56 points pour faire série cette année, je pense. Ouais, ok. Puis là, présentement, on a 29. Ouais. Avouez que même si on a plein de matchs, nous avons. Il faudrait toutes les perdre. 17. Okay, c'est pour ça que je te dis. 17, tu joues pour 500 points, à peu près. Ça, ouais, ça nous prend 17 points sur 28 games. C'est pas beaucoup. Là. Puis là, on est troisième total dans la ligue aussi. Quand même pas à dénier. Là. Non, puis on est en avant. Je pense que c'est comme des Bruins par un point ou quelque chose. Mais, mais ils ont des matchs en main, les tabarnas. Ouais, mais les Bruins ont vraiment un calendrier facile. Ça, c'est encore une affaire de Campbell. Ouais, mais c'est parce que ça fait à peu près 3 ans que les Bruins ont tout le temps, genre, comme 3 à 4 matchs en main sur le Canadien, puis sur les puis même sur les autres équipes de la division. Ah, oh, mais ça, c'est pas grave, tu peux pas utiliser ouais. ça. Ça fait excuse. Chier. Non, parce qu'ils vont. Parce que toi, t'as joué les 4 matchs, tu les as perdus s'il y a une différence de points. Puis eux autres vont les jouer plus tard. Ouais, pas d'excuses. Non, je sais. Autres, ça ouais, non, non, je même... sais, mais ça fait chier quand même. Tu sais, je trouve ça mal équilibré. Non, mais, ouais. mais... En tant qu'équipe, faut que tu gagnes. Même si l'autre, à la fin de la saison, a plus de matchs. C'est à toi de gagner un match en tant qu'équipe. C'est clair, c'est clair. Non, puis il y a un bon, il y a un super bon côté à ça, c'est que Montréal vient de passer, il n'y a pas longtemps, comme une grosse semaine de comme 4 matchs, là, 3-4 matchs. On ouais, joue, ouais. Puis 7 matchs en 5 soirs. Ben, c'est ça. Fait que, puis, ils ont... T'sais, c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent là, au premier, je veux dire, troisième au classement, là, dans le fond. au classement général, là, je veux dire, ils ont super, t'sais, ils ont bien joué malgré tout. Là, pis... Je sais, mais c'est 7 matchs cool. en 5 soirs, ça me fait pas en tout. Non, mais gars, c'est correct. C'est comme 5 matchs en 7 soirs. On, on avait compris, Alex. Ouais, ben, dyslexique ouais, des stats. Ça. Ça, pas, Alex, notre, expert, notre expert de statistiques, on vous le rappelle. Pas. Je m'excuse, ben, l'autre jour, je me souviens plus. Ah ouais, non, non, hey, l'autre jour, j'ai ça appelé bugué, l'autre jour, j'ai appelé le goaler, le dernier podcast, ben, le premier qu'on a fait dans le fond là, de hockey. Ouais, ouais. Greg Anderson, je l'ai appelé Glenn Anderson. Glenn l'ancien joueur, genre de Edmonton. Fait que dites-vous Boudaille ou Boudage. Ah, Boudaille ou Boudaille. Mais Boudaille, Patrick Roy, il appelle ta Boudage. Tout le monde a chiolé sur Internet. Fait que la dernière fois qu'il a fait l'antichambre, il a vraiment dit. Et mon collègue Boudaille, je m'excuse pour avoir trompé de nom, c'est comme fucking loser, you play. T'as joué avec ce gars-là. Je connais même pas son nom. Mais tout le long, il l'appelait Boudage. Boudage, hey, Boudage. Boudage. Hey, Boudage. Fucker, it's Boudaille. Après ça, il frappait dans une porte. Là. À quoi on explique le succès du Canadien? Faut parler du système de jeu, je pense, de Jacques Martin. De Jacques autant, Martin, autant oui, ouais, c'est bon Jacques Martin, Jacques un bon Martin. Jacques de Martin, jeu, hey, ça va bien à soi. Puis les échanges de Pierre Gauthier aussi. Non, Jacques Martin, et Bob Gainé, bon système de jeu Jacques Martin. Ah, Michel puis... Therrien qui est en poste, on vous le rappelle. Ça, c'est un bon échange de peanuts. Ouais. L'échange s'est passé cette semaine, bon échange de peanuts. Carbo, là, Carbo hier soir, là. Non, non, le système joué, de jeu de Michel Therrien. Non, en fausse deux, lui. Le système de jeu, pour de vrai, c'est pour ça, le sud... C'est pas vraiment que vous en parlez, mais pourquoi le Canadien est en premier cette année? C'est vraiment... L'esprit d'équipe, là, en partant. Ouais, mais le ça système joue pour de gros. Jeu agressif qu'on n'a pas vu ben, du Canadien. C'est pas longtemps. Compliqué, c'est ça qu'on disait au premier podcast. 2 joueurs sur le porteur de la rondelle. C'est pas vrai, des fois, on met 3. Ben, c'est ça, au mais moins en moyenne, c'est en moyenne 2 joueurs sur le porteur de la rondelle. Tandis qu'avant, c'était un joueur proche de la rondelle, mais pas dessus. Ouais, là, ça, pas c'est intense, le forecheck. Le forecheck est beaucoup plus intense cette année. Ben en plus, le forecheck, c'est plus. Man, son forecheck, quand tu le vois comme il faut, qu'est-ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment fucking, man. C'est vraiment très précis. C'est, si un gars a la puck en arrière du net, le centre va aller en arrière du net, l'ailier gauche va aller sur l'ailier droit, puis l'ailier droit va aller dans le milieu de la glace. Mais pour le reste, ça split la zone adverse en deux. Là. Ouais, mais pas rien que ça aussi. Après ça, ils peuvent changer de place. Non, mais c'est, après ça, c'est super. Ouais, mais les defs mettent pas mal plus de pression en attaque aussi. Ouais. Sérieusement, les defs, ils rentrent pas mal plus dans la zone puis attaquent ben, pas mal plus. La défense est plus impliquée, ça, c'est clair. Ouais, ouais, vraiment. Les autres équipes sont pas capables de rentrer dans notre zone. Je regardais le dernier match contre Toronto en troisième période. Là. Ils étaient jamais capables de rentrer plus loin que le quart de notre zone. Des fois, oui, mais je veux dire. Ouais, mais. Tu prends 60% du temps, on les arrête tout le temps, on part en attaque. On arrête tout le temps, mais ils sont même pas capables de prendre un shot. Ben, le système de jeu fonctionne, les joueurs ont une bonne chimie, il y a un bon esprit d'équipe dans la chambre. Je pense que ça fait déjà une bonne différence. Puis on a Richer sur le chat, Richer44 sur le chat qui nous dit le rachat de Scott Gomez, ça fait une meilleure équipe. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah oui, ben c'est là, sûr. Oui, c'est sûr, ça c'était. Dans le fond, c'est veux pas. C'est même pas dans lui, il nuit à son équipe quasiment. Ben, c'est parce que ça te lève, c'est pas un divertissement. Regardez-les avec les chars, puis il soque. Là. Ah, non, je sais, mais c'est pas ça, c'est un gars dans le vestiaire qui était vraiment aimé. Là. Mais je veux dire, quand t'es de la City, t'es payé 7 millions là, par année, puis que tu fais pas un call list de points, là. Mais qu'est-ce que tu vas faire, man? Tu vas vraiment être utile ça, t'as beau être aimé, t'as beau être aimé dans le vestiaire, si tu fais tout le temps la même crise de jeu qui marche pas, puis t'aimes pas ton équipe. Là, mais là, tu sais que t'es dans la masse. Tu fais 7 millions, tu fais pas de points. Fait quoi? Tu kiss the butt of everybody. Ouais, mais moi, je fais besoin de quelque chose, hein, puis on est tous là, je suis là pour ton body. Ouais, puis ah, ouais, puis tu sais, il supporte. Puis pour le reste, c'est un gars qui était comme ça. Les gars, ils l'aimaient dans la chambre. Ah, oui, mais dans la chambre, ça fait pas tout. Tu sais, je veux dire, l'exemple, tu le montres aussi, c'est à la glace. Ah, ouais, mais... moi, je pense, là, pour vrai, là, qu'est-ce qui fait du succès, là, pour moi, là, vraiment. C'est Brandon Prost qui aide vraiment gros ça au succès change, de l'équipe. Vraiment, on n'avait pas un bon... C'est un guerrier, ça. Prost, là, il est troisième en ce moment pour le gars qui a le plus de fights dans la Ligue nationale. Ouais, c'est un guerrier. Il pogne tout, il les essaye tout, il s'en sac. Même il y en a qui le ménagent, ils vont gentils avec, mais je pense qu'il les respecte pas mal pour la job qu'il fait. Ouais. Puis, il est jeune. Puis bon, on a Markov aussi. On a Markov aussi cette année. Je veux dire, Markov, c'est quand même... Markov, quand il était en forme, Markov fait le joueur dans l'équipe. Il fait... Présentement. Il est parti en canon, c'est sûr. Il a ralenti, puis là, il a ralenti quand? Il a ralenti depuis que. Quand Piqué est revenu, puis là, ils l'ont mis ensemble sur le powerplay. Moi, j'aime moins le powerplay. Markov, il a rejoué avec Diaz en powerplay. Ils ont mis un mané, ils ont mis Piqué, puis Markov. Mais après ça, Diaz est venu avec Markov. Ça n'a pas fait plus de choses. Non, mais sauf qu'il reste que Markov. C'est un bon joueur défensif. On s'entend-tu, Markov, que présentement, là, il est écœurant dans le powerplay aussi, man. Dans le powerplay, c'est l'archétype. On s'entend-tu que présentement, malgré le fait qu'il y a eu une blessure, ben, en tout cas, moi, je pense, là, Markov fait partie des top défenseurs de la Ligue quand même. Il a juste ralenti dans une coupe de game. Là, top 20. Ouais. Top 20, top 15. Je serais plus généreux en disant top 15. Ouais, peut-être, mais j'ai dit top 20, parce que top 15. Ouais, top 20. Mettons top 20, parce qu'il y en a, il y en a des excellents. Là, pour je ne sais pas qu'il est le 20e. Il peut être le 14e. Mais ben Markov, c'est comme un bon vin qui a bien Markov, vieilli, il peut compter. Puis, par exemple, c'est un il a ralenti des derniers matchs, mais tu sais, je veux dire, il quand même. Ouais, mais ses passes. Non, mais sont il est fiable, puis il fait des assez belles passes. C'est ça. C'est juste qu'il n'est pas autant. Il n'est pas meilleur qu'avant. Avant, il était plus agressif offensivement. Tu voyais descendre, la passe arrivait, puis il scorait là, genre, ben, dans l'enclave. T'sais, il descendait, il allait supporter l'attaque. Là, c'est peut-être qu'on n'a pas de powerplay. Puis oui, le powerplay, ils ont eu de la misère ce temps-ci. Ils essaient de se trouver. Peut-être qu'on ne l'a pas présentement, mais il devrait essayer de faire plus ça. Offensivement, il contribue moins qu'avant. T'sais, il y a 5 buts en 20 matchs. Clair. Mais je veux dire, ouais, 5 buts en 20 matchs. Le meilleur marqueur de l'équipe, c'est qui? C'est Pacioretty avec 6? 7. 7? Ça, j'ai compté. Il y a 6 buts. 2 buts. 6 buts. 6 buts. Je l'ai ici, les statistiques sous les yeux. 6 buts, combien passes? 6 buts, 10 passes, 16 points. C'est notre meilleur compteur. Puis, meilleur pointeur. Comment que Ryder? Ryder, il a 14 points, c'est notre deuxième. En 19 matchs. 6 buts, 8. Je pensais qu'il y avait 7 buts. 6 buts, 8 passes en 20 matchs. Pacioretty, 116. En 16. Il y a 16. Ils en font un point par match, Pacioretty, jusqu'à date. Fait que c'est puis Markov, il a combien de points? Markov, il on va mettre ça tout de suite. Deuxième d'un défenseur après Diaz avec 12 points. Ben, 5 buts, 7 passes. Diaz. 5 buts, 7 passes. Hey, Diaz, 1 but, 12 passes. Ouais, mais Diaz, Diaz c'est une belle surprise, bon. Ce gars-là. Là. Ouais, c'est un but Diaz, de l'autre bout de la glace qui a mis dans le fait des airs. Mais le pire, là. Ouais, c'était hard dans mais le pire, là, c'est que Diaz, là. Tu le remarques pas beaucoup, mais ce gars-là, il a juste la parfaite passe, man. Non, mais il est bon avec son bon. Ce gars-là, c'est un joueur très intelligent. Il est intelligent. Vrai, tout est pensé, mon gars. Asti, c'est calculé au millimètre près, man. Quand il fait une passe, c'est sa palette, là. Ah, mais il se fait jamais attaquer. Il arrive, puis il y a une bonne shot en plus. Ouais, ben ouais, il y a un bon shot. Il a un bon tir, mais il s'en sert pas beaucoup. Mais il est bon pour. Ouais, mais c'est parce que peut-être qu'il manque de. Markov a pas un super grand tir, mais. Tu vois qu'il est hésitant à tirer. Il reçoit le puck, il y a une ouverture, il pourrait tirer, puis il repasse encore à son autre def. Diaz, c'est pas un gros joueur. Tu vois, mais tu Diaz, tu joues avec Markov. Markov, il est même, puis il est bien placé, puis il demande le shot, tu vois, il est passé. C'est le vétéran, lui, il a peur de prendre les shots. Diaz, on dirait qu'il a peur de prendre les shots, parce qu'il est Christ. Qu'il n'a pas confiance. Il joue avec soi. Soit qu'il joue avec Markov ou avec Piqué. Puis Piqué, lui, tout, c'est comme. Fais-moi part ce que je sais. Piqué en powerplay, il me gosse, man, parce qu'il bouge trop. Il gosse trop. Au lieu de faire des passes straight forward. Il fait beaucoup de jeux dangereux à ligne. La dernière game, il était correct. L'avant-dernière, c'était dégueulasse. Ouais, contre Toronto, t'es grave, mais l'avant-dernière. Il fait beaucoup de jeux dangereux à ligne bleue, là. Il fait des tours. Il se promène à ligne bleue, là, puis il fait des tours sur lui-même, là, puis il se fait fucking enlever à bas. Dompe la poque dans le fond, dans ce moment. Non, mais c'est pas capable. C'est soit que tu dompes la poque ou que tu te la passes en ton def. Non, il n'y avait pas pu, là. Dans le petit dribbling fait sur le bord de l'angle, le gars, il juste à côté, il ne peut plus passer à l'autre point. Il n'y a plus de place. Donc, la porte dans le fond. Puis après ça, dis à tes forward de la chercher. Puis après ça, supporte les bandes. Mais ça, là, c'était vraiment. Ce match-là, là, c'était le pire match de hockey que j'ai vu. Ouais, mais attends, là. C'est parce que ça, ce genre de petite erreur-là, il le fait régulièrement. Je veux dire, ben, pas en, en général. Cette année, c'était le premier match vraiment à faire un peu ça, moins, peut-être, mais il fait quand même. On voit des erreurs de Piqué. Malgré le fait que c'est un excellent joueur, j'adore Piqué, j'aime son style. Puis c'est quand même un joueur assez agressif dans le sens que, tu sais, il. Ouais, cette année, il y a plus de flair, là. Tu sais, la partie du sol, là, du fond du ben, filet. Ok, puis... mais moi, un mais affaire. Il se fait limiter. Moi, sérieusement, là, j'aime mieux ça. Un affaire qui me fait vraiment chier, moi, qui me tombe sur ses nerfs. Les hosties de fans au Centre Bell quand il fait une montée de la puck, puis que là, les fans capotent. Puis là, quand il y a un autre joueur du Canadien qui touche la puck, on arrête de gueuler. Ah, mais ça, c'est l'année passée. C'est-tu épais, son tabarnak? L'année passée, on était 15e. C'est ça, man. Ah, mais ça, c'est l'année passée, tout le monde faisait ça. Parce que l'année passée, on était 15e, on avait aucun d'action, joueur spectaculaire. Ouais, mais là, lui, il partait, puis il essayait de quoi? On perdait 2-0, lui, il partait du fond du net. Puis il essayait de quoi? Fait que l'année passée, c'était comme, ah, parce que toute notre équipe t'a poche. Cette année, toute notre équipe est bonne. Ouais, mais ils font encore fait ça. Fait qu'on faire, c'est comme, arrête de faire ça. T'sais, puis ouais, là, ben ça, c'est du monde, comme je vous ai dit, à un moment donné, le monde Josette, que c'est des astis de monde qui ont des billets de hockey, qui connaissent pas le hockey, puis sont okay. Juste comme, puis ils chantent pas olé-olé comme il faut. Hein, vous en rappelez de ça, c'est oh oui. Mais ça, c'est le genre de monde-là qui sont en haut. Puis tout le... Moi, j'aime ça être en haut parce que c'est le meilleur monde qui est là. Mais en même temps, la zone Molson X. Ouais. Puis ben connaissent ça, pas partout, le hockey. Puis ils sont comme yeah. Puis c'est comme celui-là qui commence à chanter na na na na hey goodbye. La troisième période vient de commencer. Ça, d'habitude, là, moi, ça, à chaque fois que j'entends ça, je me dis tout le temps, Asti, c'est là qu'on va s'en ça... faire scorer deux collés. Bon, boum, boum, boum, mais c'est plus ouais, là, ouais, on se ouais, rend au dit puis on perd. Man. Quand je suis au Centre Bell et j'entends ça, je suis comme, oh yeah! Ça, si vous entendez ça, c'est moi qui t'en gueule. Parce que ça me fait chier, quelqu'un qui sent ça, c'est supposé être réservé pour les séries. Mais ouais, c'est ça, il n'y a pas de goodbye, on va y voir dans deux semaines. Ils reviennent demain, man. C'est un back-to-back game. Puis le monde m'a dit ça, ça me fait capoter. Prochain sujet, c'est du Canadien. Prochain sujet, qui dit début du mois, dit la Coupe Molson. Ben ouais. Carey Price qui succède à Galchenyuk. Qu'avez-vous donné à lui? À qui? Carey Price? Honnêtement, non. Puis c'est pas parce qu'il la mérite pas. Non. C'est parce que il a pas fait la différence. Ouais, mais Carey Price, pour vrai, il arrête toutes les... Je veux dire, il reçoit 20 quelques shots. Il est parfait, tu sais. Il est dégueulasse, hein, Price. Mais en même temps, c'est pas le plus spectaculaire. Non, mais Price. Non, mais c'est quoi, il est pas il le est plus trop spectaculaire. En Price, que, cette année, ouais, cette année il on dirait qu'il est en contrôle. Une bonne performance tout pour va lui, bien. C'est comme ordinaire pour nous autres. Ben, non, mais non, mais ça, non. C'est parce que là, présentement, l'affaire, c'est que Price, il fait la job très bien. C'est un excellent gardien de but, mais c'est pas lui qui fait la différence dans la plupart des matchs. Mais la Coupe Molson, les autres, il y a donne la Coupe Molson, mais je dis en tant que fan. La Coupe là, Molson, c'est donné fan, par les étoiles. Mais ça, on ne trouve pas qu'elle mérite parce que lui, il fait la job qu'il est supposé de faire. Ouais, mais je veux dire, la Coupe non, Molson. Non, mais elle mérite. Là, je dis pas qu'elle donne... mérite pas. Ben, moi, tout, la Coupe sais, Molson, c'est donné, fan, genre, c'est ça, fini, par les fans. Dans le ben, fond, en fait, oui, parce que c'est les fans c'est qui sûr. Votent pour les étoiles. C'est le nombre de première étoile. Des fois, quand Galchenyuk faisait une pause puis il y avait la deuxième étoile, c'est comme, come on. Ouais. Ben, tu sais, parce qu'on l'aimait le kid, hein. Fait qu'on votait sur Internet Galchenyuk. Non, mais c'est ça. Il a fait une pause, Galchenyuk. Mais Alex, il reste que le jeune est quand même des top. Top marqueur de l'équipe, puis Chris, il était carrément à voir aller, puis lui, puis Gallagher. Moi, Galchenyuk, puis Gallagher cette année, là, ils font capoter, man. On fait même mon challenge sur les 13. Mais Galchenyuk, il score pas de but. Ben, il y en a scoré, là. Il y en a scoré, mais il y a quoi, 3 buts? Il y a 2 ou 3 buts, je pense. Mais c'est la façon qu'il joue. Galchenyuk, il y a 3 buts. C'est un playmaker. Il y a 12 points, il est 4e pointeur de l'équipe. Ça doit être en arrière de Plekki avec 13, tu sais. Ah, mais il bon. Joue un nasty game, ce jeune-là. Ouais, c'est gare, fou hein. Le voir. Ben, Gallagher, il a un méchant contrôle. Là, Gallagher, ouais. Il y a encore il plus a de grit. Il y a une vision du jeu, là. Gallagher est fort. Ouais, ben, Gallagher, c'est un, grand, c'est un sniper. Gallagher, c'est un sniper. Il y a un shot. Non, mais il y a aussi le contrôle de la puck, là. Tu vois aller, la puck, elle colle à sa palette. Oui, mais il y a un sale shot, ce gars-là. C'est ça sa force, man. Mais non, il y a un shot, il y a le contrôle de la puck, il y a une nasty passe, puis il y a le physique. Non. Ce gars-là, tu le vois faire des jeux, mais il garde la balle. Galchenyuk, tu parles. Galchenyuk, tu parles ou Gallagher? Galchenyuk. Ouais, c'est ouais. Ça, moi je te dis Gallagher, il y a un shot. Gallagher, Gallagher, c'est shot. Il y a de la chienne. Puis lui, là, ça, même, ça. Moi ce que j'aime, c'est un petit Chris, il mesure 5 pieds 7, mais il fonce dans le tas, man. J'adore ça. Man, ouais, c'est mon genre de joueur. Peut-être 5 pieds 8, je sais pas. Il fonce dans le tas, man. Il est tout petit, Puis lui, là, il rentre dans le goaler, man. Ah, il sort dans le goaler, puis là, poussé. Puis il se fait pousser. Ouais, ouais, ça, c'était poussé un peu. C'était, ça prend du cran. Moi, honnêtement, j'aurais donné une pénalité pour ça. Mais ça prend du cran parce que tu sais que toute l'équipe te saute dessus, puis man, il est jeune. C'est une recrue, puis il le fait. Puis il sait que tu te saute dessus, d'autres équipes s'en vient dessus, man. Vu ça encore, lisse. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de ce genre de choses. Ouais, tu vois qu'il aime ça. Il aime ça foutre le trouble, là. Cool. Ben oui. Ouais. Fait que Gallagher, Galchenyuk, puis ça va bien. Puis. Dave, on parlait de la mise en échec de Galchenyuk. On va parler d'une autre mise en échec, celle de Pacioretty, qui a été controversée. Là. Il était devant le préfet de discipline, Pacioretty. Ouais, ouais, ouais. Selon vous, la mise en échec qu'il a effectuée était légale, pas légale? Oui. Il aurait dû mériter un 5, non. un 10. Légal. C'était une mise en échec légale parce que le joueur s'est mis dans cette position-là. Puis il l'a vu arriver. Tu le vois sur le replay clairement qu'il voit le joueur arriver. Puis il se tourne à la dernière minute. Fait que moi, je pense que non. Il y a plein de joueurs qui font ça aussi. Puis se magasiner un 5 minutes ou une pénalité d'inconduite. Là, ou, ouais, ouais. Tu sais, il y a des joueurs qui se mettent dans des positions. Des fois, ils savent que le gars, il arrive en arrière. Puis pour y sacrer un coup, là, tu sais, là, la tête première dans la bande, il y a déjà bien des joueurs qui se sont placés dans cette position-là. Quasiment par exprès là, pour dire que c'est malheureux parce que le McDonald's il y a une commotion cérébrale à cause de ça. Fait que c'est plate pour le joueur, mais en même temps, il s'est mis dans la position. Puis honnêtement, sur le coup, quand j'ai vu la mise en échec, j'étais d'accord avec la pénalité parce que ça va trop vite. Mais quand tu le vois au ralenti dans différents angles, puis tu vois McDonald's se placer dans position, dans sa situation. Mais le coup était pas haut, là, c'est ça. C'est comme c'était une mise en échec. C'est parce que ce qu'il a donné, c'est que c'est arrivé tellement tourné, vite. Il a tourné le dos, puis il l'avait arrivé, puis rendu là, les arbitres qui ont jugé, c'est. Les préfets, ils ont dit c'est pas compliqué. Il s'est mis dans position, puis rendu là, Pacioretty avait plus le temps d'arrêter. Il était déjà parti pour la mise en échec. Tu parles de call des refs live là, sur la game. Puis même pour le préfet. Là. Non, mais pour le préfet, ouais, c'est ça. Mais eux autres, c'est parce que. Il y en a les pour les refs, eux autres qui checkent, c'est que. Les refs, ça va plus vite. Si les patins ont levé de la terre. Ouais. Puis tout ça, c'est surtout que les skates, ils lâchent de la glace. Faneuf, ils ont levé après. Faneuf, il a plaqué Gallagher avec les skates levés, puis rien. Non, mais tu sais, des fois, ça peut être rapide pour un ref de checker ça quick de même. Puis de regarder. Le défenseur se retourne. Je veux dire, ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Puis les joueurs d'avant, ils savent que le gars va se retourner. Ouais. C'est juste que, tu sais, pour le vrai, il n'aurait pas dû rentrer dedans. Il l'a quand même crush-checké dans le dos. Il est allé chercher. Puis solide. Oh, puis, tu sais, c'est une chance que tu prends. Mais je veux pas, là. Ça, les joueurs pas petit, se cachent en l'air de ça. Ça se passe vite. Ouais, c'est vrai, ça se passe vite. Pour le vrai, là, tu passes super vite. Mais en même temps, tu sais, en jouant au hockey, que le gars, il va faire ça. Je veux dire, pourquoi tu prends la chance de le frapper? Ouais, parce que tu veux y faire mal. C'est juste ouais, mais ça. Tu veux y faire, mal, veux y faire mal. Justement, les joueurs se mettent dans une situation qui est. C'est pas plus. Pas aller chercher à Puck dans ce temps-là. Ben, c'était lui à Puck. À McDonald's, tu parles? Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça que je te dis. Tu peux pas faire aller chercher à Puck. Non, parce que t'es un astuce. Les deux ont leur part de. Tu peux pas faire ça parce que t'es un brise-bois de ce monde, tu vas pas chercher. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Mais il y avait juste à pas se mettre de dos puis à l'encaiser, la mise en échec aussi, puis pas se faire rentrer. Mais il y a des joueurs qui se mettent dans des astiques de situation. Ils savent, ils attendent les patins. Grimper dans la glace, là, puis il se penche en avant de la bande. Là. Mais aller genre chercher le puck avec le stick. Là. C'est sûr, là, il y a ça entre sa tête et la bande, puis il se penche là, juste en avant de la bande. L'autre, il rentre, boum, c'est sûr. Mais comme tu dis, c'est pour aller chercher 5 minutes. Là, puis, mais c'est jusqu'à... Ben, il y en a qui veulent le faire, mais je pense pas que tu veux tant que ça te pencher non plus pour aller magasiner une commotion sur la bande. Imagine-toi qu'on joue au hockey, puis moi je vois ça, puis je m'en viens super vite, puis là t'arrêtes pour faire ça. C'est sûr, je te plaque. Tu colles sa bande, puis tu prépares à voir le check. Tu te penches pas la tête en avant de la bande. Ouais. Mais en même temps, les joueurs ils savent que le gars. Tu sais, je veux dire, ils savent que là, s'il est arrivé là, tu sais, Pacioretty, il sait qu'est-ce qui va se passer. Là. Il a assez joué le game de hockey. Là. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, le tort est, appartient aux deux. Le tort appartient aux deux. Mais tu peux pas pénaliser. Ils ont chacun leur faute. Tu peux pas pénaliser, tu peux donner une pénalité, une suspension, une amende. Mais c'est quoi qu'il y avait eu comme pénalité là-dessus, Pacioretty? Deux minutes c'est boarding, puis c'est ça. 5 minutes avec le gars contre Georges. Mais Dave, il l'a poussé, par exemple. Ah. Ouais, lui, il a donné une swing dans la bande. Oh, première période. Mais c'est la fin de la première période. Mais Dave, si le tort appartient aux deux, tu peux donner une pénalité pour plongeon pour le gars qui se fait rentrer la tête dans la bande. Non. Le gars, il saigne en plus. Non, mais le tort appartient aux deux dans le sens que il s'est mis dans cette position-là, mais en même temps, comme Alex dit, Pacioretty, il savait que le joueur se tournerait. C'est sûr. Non, mais ça, ce sujet, je veux parler dans la deuxième période. Non. Parce que pour de vrai, là, ça touche tout à mon sujet que je veux vous parler. Non, mais hein. On vient non, mais ça. Mais ça, juste vite de même, c'est comme le gars là, qui rentre, qui traverse la ligne bleue, la tête non, entre les deux jambes, puis il se fait ramasser un coup d'épaule dans la face. Ah, ouais. Qui est coupable? Autant le gars qui skate la tête entre les deux jambes, ben à ouais, la Lindros, là. Regarde, ouais, tu peux pas faire ça. Ben, elle m'a dit, Subban a failli se faire ramasser en esti par Faneuf cette semaine. Mais il skatait pas la tête entre deux jambes. Ah, oh, il a baissé la tête deux secondes, puis quand il s'est relevé la tête, mon gars, Dion était là, man. La pénalité va à l'agresseur. La pénalité va à l'agresseur. L'autre, pour être innocent, tu rentres pas dans la Ligue nationale avec la tête entre les pattes. Ça, c'est la mentalité hockey. Mais. Sur ça, messieurs, on s'en va entre les deux périodes et on revient pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période alors qu'on apprend qu'Alex Galipo adore mettre du sel dans sa bière. Mm-hmm. C'est bon? Mais bon, un truc de taverne. Un salut! Ça, là. J'aime ça. Petit peu de sel dans ta bière. Une langue de porc dans le vinaigre. Oh. Un œuf et tout. Un œuf d'œuf dans le vinaigre. J'aime pas ça, là. Puis des pinottes. Ah, c'est bon, man. J'aime pas assez de vinaigre. Ça goûte juste le vinaigre dehors. Faudrait que ce soit injecté. Une langue. Non, non, mais il faudrait qu'il y en a mangé un chez ça nous. Ça goûte juste le vinaigre, mais c'est dégueulasse. Moi, j'aime ça. Moi, je cote au vinaigre, man. Une langue de porc sur un Ritz. Ah, mais avoue que c'est dégueulasse manger une langue de porc. Un Ritz bien moist, humide. Non, mais c'est parce que. Non, mais tu le vois que c'est une langue. Tu vois les petits picots de la langue. C'est ça me dérange. Tu manges une langue et les nerfs de la langue. J'ai jamais goûté. Ben, j'en ai déjà mangé, moi. Ouais, c'est bon. Jamais ça goûte le vinaigre en crème. Moi, j'aime ça. Ouais, il faut, man, pas se manger une langue de porc. Il faut que ça goûte le vinaigre. Manger un morceau de viande. C'est une drôle de texture. C'est comme un peu gélatineux. Je sais pas comment expliquer. Ça goûte comme une langue cuite. Imaginez-vous comment ça goûte. Mais sur ça, c'est comme un gros French, mais avec un porc. Une langue, le seul. C'est un gallon de vinaigre. Une langue que c'est que ça goûte, là, le seul qui pourrait nous dire ça, sûrement, c'est genre Rocco Magnotta. Oh. Hey, sur ce, Molson salue les vrais. Ouais, oui, puis salue John Lynn aussi. Et si moi. Oh, my God! Moi, je suis supposé être déplacé, mais il est tout chier. C'est lui le pire. Ah, c'est un interlude. Je pense qu'on va débuter la deuxième période sur ça, direct là. Ben voyons. Ah, voilà, la sirène t'est brisée. Alex, on a fini la première période, t'avais un sujet sur lequel tu voulais qu'on revienne. Ouais, moi, on commençait à parler, tu sais, genre, qu'est-ce qui devrait être une pénalité, puis t'as compris. Ouais, ouais. Donc, tu vas nous dire comment ça marche? Ben non, j'aimerais juste parler de l'arbitrage. Tu veux parler des herbes, okay, là? Vas-y, man. Ben oui, mais ça s'en vient, oui. Tu veux parler de l'arbitrage? Ouais, il y a bien du monde qui est... Tu sais, pas l'arbitrage comme tout le monde parle tout le temps, là. T'es bon. Pourri! Ouais, tu sais, ah, soir, le Canadien s'est fait voler par les arbitres, puis non, mais... Non, moi... on a entendu ça souvent, comme tu sais, le dingue contre Toronto, le quatrième but, le troisième but qui a donné la victoire au Canadien, c'est parce que le gars n'était pas prêt, puis en fait, c'est comme juge de ligne a donné la puck. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ouais, mais c'est tout l'arbitrage en général. Pourquoi que en tant que NHL, en tant que ligue professionnelle, on est la seule ligue comme la NFL, la NBA, puis la MLS. Pourquoi que les autres, quand il y a une pénalité, ils comptent une pénalité. Peu importe c'est quoi le score. Mais dans la NHL, le score... C'est à la discrétion de l'arbitre. Ouais, mais ça, pourquoi? Dans toutes les autres ligues... Le pire, c'est que ça a l'air que cette année, ils ont donné encore plus de responsabilité aux arbitres de la Ligue nationale, puis ils ont dit, cette année, c'est vraiment à votre discrétion. Ouais. Vous donnez une pénalité si vous pensez qu'il y a une pénalité. Ouais, mais j'ai ça. C'est comme, OK, il n'y a pas de standard. Un hooking, c'est un hooking. Que ça soit 4-2, que ce soit 2 minutes à la fin. Y a pas que de... ça soit... Moi, j'aimerais ça voir bon... ça. Il n'y a pas de bon moment pour une pénalité. Une pénalité, ben... c'est quand t'as mérite. Ouais, mais il y en a dans le hockey, le score puis le temps influe. Puis le style de match influence les arbitres. Ouais, mais c'est pas nouveau cette année. C'est juste qu'on dirait que cette année, ça paraît plus. Mais les arbitres avant les games sont briefés. Là. Non, mais ils sont tout le temps briefés. Ils sont briefés entre eux autres. Mais il y a quelqu'un, il y a comme un head guy là, qui va comme dire. C'est sûr que l'arbitre qui a droppé à pas, il va se faire dire pourquoi t'as pas soufflé. Ouais, ça c'était okay, fake. C'est sûr. Mais en même temps, les arbitres vont dire pourquoi t'as pas collé cette pénalité-là. Mais en même temps, il y a une culture dans la NHL qui fait dire comme en fin de troisième période, que ce soit 4-3. Mettons que moi, je mène 4-3, notre équipe mène 4-3. Si on fait n'importe quelle faute, qui a l'air d'une faute, que c'est une pénalité ou que ça a l'air d'une pénalité, on va avoir une pénalité. Tandis que l'autre équipe, eux autres qui perdent, ils vont pouvoir le faire 4 fois, mais ils n'auront jamais, devant le ref, puis ils n'auront jamais pénalité. Man, c'est pas normal. Qu'on mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu privilégies le spectacle avant le sport? Parce que tu veux avoir une prolongation? C'est plus payant? Non, mais ça, c'est quoi? Ils s'égalisent tout le temps les pénalités. Ouais, mais c'est pas ça, normal. Ça devrait pas. Une équipe ben, qui devrait se faire pénaliser. C'est parce que le ref. Se faire pénaliser. Ouais, mais le ref, il essaie d'accord avec les replays? Ouais, c'est vrai. Dans n'importe quel sport, le replay, c'est faut. Ben oui, c'est clair que c'est. Non, mais je veux dire, qu'il demande la reprise à l'arbitre, là. Ouais, ouais, quand il parle à l'arbitre direct, puis il dit non, moi j'ai callé no goal. Non, non, non. Puis après mais ça, ils ont regardé. Tu dis encore la Toronto. Non, mais je veux dire, non, moi je veux dire que les coachs aient le droit de demander un replay sur un jeu. Non. Sur, mettons, un but qui a été. Non, ça finira plus. Tu pourrais le faire, tu pourrais. Faut mais que ils font déjà. Un par match, comme au football, t'as le droit à un. Pas comme au football américain, mais comme au football canadien, t'as le droit à une fois. Si tu te trompes, t'en as plus. Si tu te trompes pas, tu l'as plus là, pitché, sinon ça coûte un timeout. Tu peux le faire. C'est ça. Ouais, mais c'est OK. Ils ont juste un timeout, toi, OK. Ben, ça, mais tu préfères une vérification, si tu veux, mais un replay quoi? De pénalité ou un replay? Ben, les coachs avaient le droit quand ils faisaient mesurer les bâtons, des affaires ouais, de même. Je suis pas d'accord. C'est encore des règlements. Je suis pas d'accord de caller un replay pénalité. Ouais. C'est la pénalité peut venir au ref, comme t'as pas le droit dans NFL de caller un review pénalité, mais tu peux caller, je sais pas, un hors-jeu. Ouais. Tu pourrais caller, genre, les pénalités, il faut que ça soit à l'arbitre, mais l'arbitre, en même temps, il faut tout le temps qu'elle donne une pénalité quand il y a une pénalité. Pas juste dire comme, oh, ben là, ils perdent, puis là, c'est vraiment... Non, mais c'est parce que c'est ça. Je donnerai pas une pénalité. C'est arrivé devant toi, dans la culture des arbitres, c'est qu'ils vont. Là, à un moment donné, c'est ça. Ils vont se mettre à égaliser comme les pénalités. Puis là, c'est là que tu dis comme sacrement, ils gagnent. Ils devraient pas. Mais ça, j'aimerais ça ils que ça s'en aille. Comme game, là. J'aimerais ça que ça s'en aille, ça. Dire que. Parce que ça fait pas que j'aimerais ça que ce soit comme au football. Qu'une pénalité, c'est une pénalité. T'as un offside, c'est 5 verges. Mais tu sais, genre, pour de vrai, t'as fucking un tripping. C'est pas le même c'est jeu. C'est 2 minutes. Non, mais c'est pas grave. Ouais, mais ce serait plus vraiment pour les pénalités en général. Ouais, mais les joueurs feraient bien plus attention. Un hooking, c'est un hooking. Double check, c'est un double check. Puis tu sais, il n'y a pas de. Ben non, il l'a pas fait tout à fait de la face. Ouais, non, regarde. Que tu vois, il avait parlé aux joueurs. Mais ça prendrait. C'est sûr que peut-être que ça tuerait un peu la game. Pendant longtemps, moi, j'ai dit non, là, ok, c'est moi, ça marche. On a 3 pénalités, inquiète pas, Mart, on va en avoir un autre. On va avoir un ouais, play. Mais c'est toi qu'on va avoir ouais, un play. Ouais, mais au football. Mais c'est là... comme c'est pas normal. Non, ouais, mais là, Marty est seul dans son équipe, de toute façon. Mais non. T'as pu... au football, là, par exemple, je veux juste savoir de quoi. Est-ce que, admettons, les joueurs ont le droit de parler au ref comme un coach parle au ref au hockey? Ouais, ouais, là, parce que, sérieusement, là, les coachs au hockey, là, ils vont souvent influencer, comme, admettons, un ref ou quelque chose de même. Ouais, dire, ça, là, t'as un peu encore. Non, mais les coachs qui parlent tout le temps au ref sur le bord des lignes, c'est sûr qu'ils influencent aussi. Juste à... Les joueurs, les capitaines vont parler au ref aussi. Tout le temps. Mais même au hockey, ils leur parlent tout le temps au ref. Mais ça, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Comme, j'aimerais bien ça, comme aller juste voir un petit peu qu'est-ce que ça donnerait. Peut-être pas tout, parce que je veux pas tuer la game. Parce que la game, on sait tous, c'est ça, puis j'aime ça voir un game de hockey de même. Quand ça tourne dans le bar, c'est super la fun. Ouais, mais moi, je pense que c'est dans la philosophie de la Ligue nationale, ouais. Anyway, parce que tu check, même pour les suspensions, là, Shanahan, il colle plus une maudite suspension de rien. Non, cette année, ben, justement, il est tranquille. Mais c'est tout le temps même. Qu'on en parle de Shanahan, il a commencé fort, me semble, au début de l'année passée, puis là, il s'est complètement ramolli cette année. Il venait d'avoir son mandat, puis là, il s'était comme il a dit, voulu moi, montrer, je vais ouais, mettre mon pied à terre. On va mettre la ligne directrice, puis gars, là, ça a tout coupé. Ils ont donné genre des suspensions super sévères, genre comme quand Arefi Torres, puis tout ça. Non, mais cette année, j'ai pas vu un jeu qui méritait vraiment une suspension. Excuse. À part Gabory qui a mordu Pacioretty. Non. mais est-ce qu'il l'a vraiment mordu? Ouais, Grabowski. Non, mais Gravesky qui a mordu Pacioretty. Ouais, t'as dit Gabarek au début, c'est ça. Ok. Lapsus. Monsieur Hockey. Non, mais le check. Excuse-moi, monsieur Hockey. Le check. Monsieur Hockey, c'est Gordy Howe. Je sais. Mais c'est toi, ça. Non, mais. I know it is. Non, ça commence, les hostilités. Ah ouais. On est tous. On la marde. Non, on reste poli. Non, mais Taylor Hall, là, qui a fait son check, là, supposément hip check, là, mais non. Que le gars, il a roulé sous son genou avant de rouler sa hanche. Là. Oh, ben, ça, c'était vicieux. Non, c'est vrai qu'il y en a eu des coups vicieux. Vicieux. Taverne style. Vicieux. Veux-tu un peu de sel, Alex? Sauf que, non, mais je veux dire, d'un gros hit ou d'un gros jeu, il n'y en a pas eu besoin. Mais c'est très bon, tout ça. Quoi? Qu'est-ce que je vais te dire? C'est moi qui ai dit niaiserie, puis là, t'étais comme, t'étais plus sûr, là. Que tu... Ton commentaire était comme moins pertinent, on aurait dit. J'avais moins de power dans le comme pas sûr. Mais là, les gars, il y avait une pénalité, Hey, on... Dave, qu'est-ce qui se passe sur la chat room? On a un peu de chat room active. Yeah. Là. Ah, okay. Il y a Papa Cassette de Rétro Nouveau qui nous pose la question. Il nous dit « Parlez-nous des joueurs pas de talent à grand cœur qu'on n'a pas cette année. Les dents de nos bégins d'art. » J'ai dit « Avouez que ça fait que ça aide à gagner de ne pas avoir ça dans le line-up. » Dano. Ça, tu, il demande juste une mauvaise réaction de nous-mêmes comme « Fuck off, t'as pas raison, man! » Non, ben oui. Mais il n'y a pas tort en même temps. Mais je prendrais un d'arche au-dessus de Kobe Armstrong. Par exemple. Ça, c'est le seul dans sa liste mais je l'aurais même le point, peut-être c'est qu'Armstrong Armstrong n'a pas de talent. Bégin, ouais. Bégin comme Moen. Bégin, c'est... Ouais. Moen ne fait rien cette année. Moen a perdu le feu sacré. Petri, il s'en vient. Non. Petri, il gagne des mises au jeu. Moen, il n'a pas défendu quand, dans la dernière game contre... Moen ne fait rien. Moen, t'as sa glace. Je le sais. C'est mais ça qu'essaye de dire. Dans mon man. Livre à moi, là, c'est parce que Moen, c'est pas un brise-bois genre face à Zednik, là, tu comprends? Tu sais, c'est comme... Zednik, le main, le gars a un bon ton. Tu viens de dire brise-bois face à Zednik. C'est quoi ce... Non, il vit des années 90. Non, c'est pas ça. C'est quand. Mark, tu me fais des commentaires à la Don Cherry, là, avec des références des années 90. Attends, j'aime Don Cherry. Non, j'aime pas Don Cherry. Non, sérieusement, je fais référence. Là-dessus, j'ai trouvé que Moen était sa glace. Après ça, c'est Georges qui a eu le check par Brown, je pense, de Toronto. Ah, il était là, sa glace. Je pas oui, Moen était sa glace, puis il a été quasiment donné une tape comme Brisebois a fait dans le temps Zednik. C'était fait par Kyle McLaren. Tu t'en souviens? Puis c'était Terrien qui était coach dans ce temps-là. Terrien était debout de sa bande, OK? Puis moi, je me souviens juste d'une affaire. Je me souviens juste d'une affaire, c'est que Brisebois, la seule affaire qu'il avait faite, c'était le seul gars qui aurait pu faire de quoi. Il a absolument rien fait. Moen a rien fait. Ben non, comme Moen, ça avait été Prost à glace, ça ne serait pas passé de la même façon. Mais Prost, il drop un gars de 6 pieds 5, c'est encore lisse. Ben non, ça, non, mais en même temps, Prost, c'est pas un heavyweight. C'est vraiment là. Ouais, mais Prost, il a droppé avec. Ça un heavyweight avec le gars. Mais ça, il a pas peur de dropper. Avec le gros, le Chris de 6 pieds 7, là. 6 pieds 6, là. Mais Prost contre Lucic, Prost, ça fait démoler. Prost, c'est comme un Steve Bégin, pour vrai. C'est comme un Moen. Beaucoup trop de cœur. Meilleur, non, meilleur. Plus de technique. Ah, je dis côté physique. Hey. Ouais, plus de talent. Mais le problème, Prost, il comprend pas Moen. Mais je dis côté physique. Il l'annonce 6 pieds 2 sur le site du Canadien. Il a été à côté de Pacioretty qui fait à peu près 6 pieds 2 puis il manque à peu près une tête. Là, ouais, mais il est là à patin. Ouais, mais ça, là, tout ce qui est comme les affaires NHL, tout ça, les poids, les grandeurs, c'est tout le temps comme... Pas tout, parce que... Ça, c'est l'agent. Pas beaucoup, là. Non, l'agent est sur le contrat, tu vas marquer les 6 pieds 4, 190. Ça a l'air que Gianta a demandé toujours de se faire afficher à sa vraie grandeur, 5 pieds 2. 5 pieds 7. Ouais, mais c'est sûr. C'est parce que c'est un homme bon. C'est pas super accueil, pareil. Ouais. Non, c'est clair, mais... Puis on a Richer qui nous dit que Armstrong, c'est un joueur salaud. Oui, mais il était avant. Oui, parce qu'il était à Pittsburgh, là. Hey, je l'haïssais-tu, ce gars-là, man? J'étais plus capable, man. C'est ce gars-là qui faisait des astuces de back-check dans le dos. Non. Armstrong, qu'est-ce que tu fais quand tu manques de talent? Ben, tu joues comme un cochon. Ouais, mais tu veux dire, on l'aimait pas, mais pour de vrai, lui, là. Mais il est green, il est générique au bout, il fait rien. Ils l'ont remplacé par Matt Cook. Armstrong, il nuit pas, mais il est pas bon. Comme tu dis, oui, je le changerais pour un Darche. Il est aussi vite que Darche. Puis faudrait il frappe, Darche frapperait plus, puis il partirait plus vite pour aller chercher les coins parce que Darche avait une attitude qui fitait pas avec le room. Non. Ils ont fait un contre deux volets. Moi j'ai entendu des affaires sur Darche, puis ça a l'air qu'il était deux volets. Il était genre deux volets. Ils ont fait un contre deux volets. Le gars il a c'était peut-être la bitch à Jacques Martin un peu là, mais ouais peut-être. Il y a eu des rumeurs longtemps comme quoi c'était lui qui stoulait. Il stoulait, puis c'était une petite mémère. Ouais, mais gars, je veux dire, au bout de la ligne là, New Jersey l'ont pas gardé pareil. Non mais les gars, cette année là, t'es brûlé là, d'Arche là. Cette année on a le même team qu'on avait l'année passée. Il nous manquait Campoli, Gomez, puis il nous manque un troisième joueur. Ben non, on a plus que ça. Ok, on a goal ou compte pour Petteri. Compte qu'on a présentement Galchenyuk de nouveau. Non, non, mais sur qui est parti? Mais qui est nouveau? Ça revient au même. Qui est parti? Mais dis qui est nouveau, ça revient au même. Ouais, mais parce que les vieux, c'est eux autres qui vont former ouais, l'équipe. Mais si tu dis qui est parti, ça revient au même parce que tu dis Colby est arrivé, Pross est arrivé, Gallagher est arrivé, Galchenyuk est arrivé. T'as 4 joueurs direct là en partant qui sont sur le line-up régulier à chaque game. On avait pas. Ça, c'est 4 joueurs qui sont tout le temps sur la glace, là. Toutes les games jusqu'à date. Tout à fait. Fait que non, c'est quand même 4 joueurs sur tous tes attaquants, là. Ah, c'est vraiment pas le même team qu'à l'année passée. Fait que ça fait une différence. Sur 20, ok, sur 23 gars, il y en a 7. Puis t'as Bourque right, qui est arrivé à la fin de l'année, que cette année, c'est comme, il est un peu nouveau. Il y en a 7 quand même, il y en a 3 qui sont partis, 4 qui sont arrivés. Il y a 7 joueurs différents, right, on s'entend là-dessus, sur 23. C'est quand même bon, hein, Chris, que cette année soit premier, puis l'année passée, t'étais 15e avec 7 joueurs différents. Ah, mais là, l'équipe en arrière, par exemple, le team dirigeant est tout différent au complet. C'est ça qui fait la différence. Ça fait une méchante différence. C'est ça. Pis... Là, ils ont Jean-Jacques Deniau qui est comme coach des defs, puis je pense que ça paraît. Puis ouais. T'as l'autre Galant qui va être au power play. Galant. C'est comme Gérard Galant. Non, Gérard mais c'est pas un estimo français. Ah, c'est ça qui est bizarre, ouais, c'est vrai. Non, mais sérieusement, tout le coaching staff, là, pour vrai, là, ça a vraiment évolué. Ah, mais imagine, c'est ça, c'est vraiment, on peut quelque chose, c'est vraiment, ils sont vraiment top. Hey, t'as rien, il est-tu comme trop dans le game? Il est fou, il a tout le temps un pied sur le bench. Même plus haut, ça t'es cœur, hein? Hey, c'est bien, c'est parce que tu compares avant, t'avais le pingouin, là. Tu sais, t'es en arrière du bain avec les bras croisés en arrière. Prof d'école, dos, là. Man, aussi, là. Les gars, au séminaire, on est au séminaire. Gauche à droite, ben demain, justement, là, on parle de tout ce qui est en haut du Canadien et ouais. L'équipe dirigeante. J'aimerais qu'on parle de Marc Bergevin et de la transaction qu'il y a eu cette semaine. OK, first, Marc Bergevin, il est trop style avec ses lunettes. Il y a des estis pas l'habit, man. Ouais, sérieusement. Là, tout en sharp. Ouais, c'est ça. Pas chez l'équipeur. Ça, là, c'est comme là, c'est comme quand tu joues genre Godfather là, ou n'importe quoi. C'est genre, Godfather. Tu ramasses des points de respect parce que t'as un plus beau saut. Mafia Wars. Marc Bergevin qui a fait un move qu'on fait d'habitude quand on est un peu dans le trouble dans une équipe de hockey, c'est qu'il a fait un échange assez majeur pour le Canadien. Oh, c'est un gros échange. Là. Eric Cole s'en va à Dallas et Michael Ryder revient dans l'alignement du Canadien. Ben on l'a dit tantôt, Ryder, deuxième marqueur du Canadien présentement, j'aimerais juste dire en entrée de jeu même points. Que le monde à Dallas capote, bien raide. Parce on a leur meilleur pointeur. C'était leur meilleur marqueur, puis ils comprennent pas pourquoi ils ont fait ce trade-là. Le pire là-dedans, c'est qu'on a un choix de troisième ronde. Ouais, puis ce choix-là fait qu'on a six choix de première ronde avant la troisième. Ouais, c'est un des meilleurs repêchages qu'il y a depuis des années. Attends, on a six choix, les gars, man. Ça, c'est la future de notre échange parce que. Tu vois, eux autres, ils vont aller chercher ils veulent aller chercher. Moi, regarde, je veux Drouin, là. Je rêve de ce gars-là. Là, tu veux aller, man, c'est main. C'est un esti joueur, là. Il va partir first, ce gars-là. Ouais, ben, il va partir dans le top 5, d'après moi. D'abord, il faudrait perdre. On pourra pas jamais l'avoir. C'est ça, tu sais. Fait qu'oublie ça, mais tu sais, ça va quand même donner une bonne monnaie d'échange. Non, mais parce que tout est bon. Les trois premières rondes au hockey. C'est du bon stock. C'est du bon stock. Ben, surtout cette année. Puis, sérieusement, il y a tellement de bons joueurs. C'est un choix de genre de, je pense, cinquième ronde, là. Mais non, mais c'est ça. Il y a tellement de bons joueurs qui ont été diffusés. C'est un choix de 5 rounds. Il y a tellement de bons joueurs qui ont été développés comme tard d'un round et tout ça, là, que tu peux même pas. Bouchon de bouteille. Sérieusement, c'est tout dans ton scout, là, tout le monde qui va checker les affaires parce que tu peux avoir des super bons choix qui viennent des rounds 4. 5. Oh non, c'est clair. C'est clair. Alak est repêché en quoi, 7e ronde? Il est goalie numéro 1 dans la nationale. Ah ouais, puis pour les gens là, qui parlaient là, de oh, regarde Alak, fuck Price. Ah ouais, ok. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent, ce monde-là? Fuck it, moi j'ai tout le temps été comme pro Price. Moi tout le temps. Mais ça, c'est pas des fans de hockey. Non, ça, c'est comme des amateurs. Mais c'est des fans de hockey. Non, mais c'est des fans de hockey, mais de gloire. Un stop, un t-shirt avec le stop d'Alak. Papa Cassette, il nous dit qu'il a entendu qu'il y avait un beef entre Cole et Terrien. Ça arrête là. Ah, sûrement. C'est sûr qu'il y en a un. C'est vrai. Cole, il a une réputation, puis ça sort partout présentement que c'est une prima donna. Ouais, ça a l'air qu'il y a beaucoup de demandes. Lui, il voulait que son chandail soit lavé à telle heure avec telle affaire. Ouais. Il voulait que ses patins soient là. Il paraît que ça, c'était vraiment une prima donna avec les gars de l'équipement. Ouais. C'est vraiment une rumeur qui est sortie sur Internet que c'était vraiment. Il était fatigant, qu'il fallait tout apprendre soin. Lui, il voulait pas boire telle eau, man. Il voulait boire cette sorte d'eau-là, man. Mais il voulait pas l'Evian, il voulait de la Sani, whatever. Évian. Ça me fait. Mais ça m'écœure un peu. Il était écœuré. Il était pas prêt à jouer avec le Canadien. Mais Cole avait de l'air malheureux, sa glace. Ah, ouais, mais il a dit qu'il voulait prendre sa retraite. Non, c'est sûr. Il est pas moi, en mais forme. Cole en partant. Hey, man, t'es pas en forme. T'es pas man, combien de fois qu'on l'a vu par là? Man, j'étais écœuré de ce gars-là cette année. Turnover after turnover, pas capable de faire le repli défensif. Ouais, mais c'est quoi c'est parce qu'il joue pas au max de son potentiel. Parce que l'année passée, il était incroyable. Moi, j'ai adoré Cole. L'année passée, ça a pris 10 games avant de se lancer. Cette année, ça en a pris 20 puis il est même pas capable encore. Ouais, mais ça étende pas. C'est quoi l'année prochaine? 30? Hey, 30 sur une, game, sur une saison 82 matchs. Il a pas embarqué là, dans le moule, that's c'est it. C'est le tiers des games, man. Il a pas embarqué dans le moule puis il a pas embarqué avec le coaching staff. Parce que ça prend trop d'efforts. Puis... Parce que pour le vrai, pour le jouer pour le Canadien présentement, là. Ça prend énormément d'efforts physiques. Non, non, non, non, mais t'as peu. Du commitment, ça prend même du forecheck, puis après ça, ouais, du backcheck comme un malade. Ouais, mais Cole, là, Cole est capable, Cole est capable de te donner ce commitment-là pas mal plus que Ryder. Mais cette année, il était pas capable. Il faisait des gros Ouais, cercles. Mais il y a plus le potentiel, il y a le physique. Il y a... C'est un gars qui joue pas mal plus profond que Ryder. Ouais, mais Ryder, sous la gouverne de Therrien, peut-être que ça va le changer aussi. On non, sait mais pas le Therrien, là, d'avoir mettre lui sur le. Non, mais Ryder, pour vrai, là, c'est parce que ce gars-là, c'est un quick release. Ouais, mais c'est pas grave. Shot de la mort, Ryder. Genre des ligues majeures à la Phil Kessel. Là, ouais, mais Ryder peut compter en avant du but jusqu'à high slot. Ok, attendez. Tandis que Cole, il tourne tout le temps en avant du net pour tirer. Ouais, mais il lui, il peut compter de la high slot top corner. Ouais, il a dans la une chaise à sport. Il y a Papa Cassette qui me sort une phrase en anglais qui a probablement pogné quelque part. Il dit que il a entendu que quand Therrien était à Pittsburgh, le 4 mars 2006, Cole suffered a fracture vertebra in his neck after getting hit by Pittsburgh Penguins defenseman Brooks Orpik. Ça a l'air que ça venait de Therrien. Ah, oh, ouais, bah ça, gars. Pour le mettre d'où, c'est poussé par la pépabec. Par la pépabec. Traduis-moi donc ça, Dave, là, pour le monde qui ne parlerait pas anglais. Ben, le 4 mars 2006, Cole aurait souffert d'une vertèbre fracturée dans le cou après avoir été frappé par Brooks Orpik des Pittsburgh Penguins. Pittsburgh Penguins. Déroule le robot! Mais mon Dieu, il est plein de ressources, ce papa cassette. Ouais, ouais, sérieusement. Il a pas gagné ça sur Wiki. Il a pas gagné ça sur Wikipédia. Ouais. Sur Wikileaks. Ben merci. en passant, Alex, André Markov, choix de 6e ronde, ouais, 162e overall. Puis, hey, c'était qui a choisi ce gars-là? C'était qui le recruteur? C'était Timmins. Ah, Timmins. Ah. Qui a choisi Price? Timmins était cœur. Qui a choisi Paturity? J'ai jamais chialé contre, Timmins. Timmins, c'est pas un Mais il y en a combien de fans qui chialent Timmins à tous les ans? Qui c'est moi, ça dit, c'est pas un bon réponse. On a laissé passer Nash. On a laissé passer Gatslav. Il est tout chier, mais pas de bons choix. Qui a repêché McDonough? Ouais, Trevor Timmins. Ça, il y a beaucoup de pression de... Mais combien de joueurs que le Canadien, Timmins, a recruté puis que présentement font... Des égarants really, joueurs I dans, hear dans that la ligue, stat. Puis oh, font des... Non, non, mais attends, je peux finir ma phrase. Font des joueurs non, écœurants non, dans non, la ligue ailleurs. Oui, je vais en finir. Ouais, non, je veux savoir. Non, on veut pas le savoir. Moi, je veux savoir. Il y en a en tabarnak, man. Combien? J'ai pas de stats. Oh, mais vous allez trouver ça. Allô, tu dis ça que pendant la pause, les amis, on va vous trouver ça. Combien de joueurs que Trevor Timmins a recrutés qui jouent présentement dans la ligue nationale? Qui ont 70 buts et plus. Players drafted by Trevor Timmins. Yes. Mais regarde, en partant, Ribeiro, ben là, lui, il a une attitude de marde, là, mais Ribeiro, McDonough, mais c'est un bon joueur. Ribeiro, il était carrément. Puis ça, c'est. Tu sais, il y en a plein. André Kostitsyn, Sergei Kostitsyn, Jaroslav Halak, man. Ouais. N'importe quel. Maxime Lapierre, ou Guillaume Latendresse, ou. Guillaume Latendresse. Ben, oh, hey, Guillaume, Latendresse. On a dit les gars qui jouaient avec National, pas ceux qui sont bons. Là. Oh, shit. mais là, il est blessé. L'autre qu'on a eu à Montréal, qui est parti et tout, à Boston, là. Comment il s'appelait le Québécois, là? Hey! Oh! Tu sais, qui je parle, oh! là? Lui, qu'on a changé la tendresse contre ce gars-là, là. Non, la tendresse, c'est changé. Ah, ouais, ben oui. Le grand slack, là, qui fait. Pouillotte? Pouillotte! Numéro 67 de Tampa Bay. Mais il est là, bon cette année, parce qu'il joue avec Martin Saint-Louis, Vincent Gavin. Il y a une crise de shot, ce gars-là. Ouais, mais il est bon. Vous avez vu que ça fait, la tendresse est blessée, là. La Villeneuve est enceinte. La Villeneuve, ben, t'as mal. Sur ce, on va aller prendre une intermission et on revient pour la troisième période. On est de retour pour la troisième période. Nice! Celle-là était belle. On la garde! Ben, ceux qui nous écoutent pas live, voyez tout ce que vous manquez. Là, on a plein de plaisir, nous autres, ouais. Entre les périodes. Là. Ouais, ça, vous allez nous écouter live. Puis là, on a fini la deuxième en parlant de l'échange entre Cole et Michael Ryder. J'aimerais qu'on revienne sur l'acquisition de Ryder qui revient en Canadien. Ryder, qui est un habitué des médias, un habitué de Montréal. Ben, il a l'expérience de Montréal. Fait que ça, c'est un point positif pour lui parce qu'il sait comment ça marche. Il sait puis à il s'est bien fêté. Ben, regarde, si il compte quelques buts ça, et qu'il fait quelques points. Ben, il va, mais sérieusement, c'est un des rares droitiers qu'on a à la oui, main. Là. Oui, fait que, ben, Gallagher, ça, c'est une vraiment une bonne affaire. Gallagher est droitier, je pense. Ouais. Ouais. Ah, c'est oui. Ça. Ouais. Mais sur le power Gallagher play, droitier. Fait que, on a qui d'autre comme droitier à l'attaque? Nokalainen. Oh! Ouais, mais Nokalainen. Présentement, on sait, il joue gros. Il joue bien. Il fait le voyage, là, par exemple. Là, il est venu, là. Hey, ça, Marc, là. C'est sérieux. Ça, là. Quand tu commences avec, à faire le voyage, tu sais que tu te rapproches. Ah, il est pas game shape jouer, encore, là. Ça va. Il est pas game prendre, shape. Mais... Non. Albert. Tout, ben, vraiment, on n'a même pas besoin. Mais c'est bon d'avoir une corde de plus à notre arc. Comme Caberlé. On prend l'expression bien utilisée. Fait que là, c'est qui t'enlève là? C'est qui t'enlève pour mettre Nakalina? J'enlève personne, je le mets sur le banc. Là, ouais, il va être avec Weber, c'est ça? Non, non, mais Petteri, tu peux enlever Knight, ouais, White. Petteri qui est... Petteri, Nokalainen. Mais tu peux enlever White. White, ouais. Non, moi, j'aime White. Moi, tu peux enlever White. J'adore White. Tu peux enlever. Non, faisons une parenthèse d'abord. Ouais, hein. White, qu'est-ce que tu pensais de White qui a coûté deux games aux Canadiens? M'en fous. En février. Ah, ben, il y a eu la punition qui avait besoin. Il a été benché. Puis, ah ouais. J'ai pas de problème avec ça. Après ça, une couple de games après, il a été bien tranquille. Avec le commentaire que Michel Therrien a fait, c'est à qui j'ai texté que c'est sûr que White a benché 10 games. Ouais, ça moi t'as dit ça. Hein. Ça tout, j'ai avancé ça. Pendant la game, j'ai vu ça, c'est sûr que White a benché 10 games. Mais les commentaires de Jacques Martin après ce match-là, c'était comme, man, t'es tellement en merde. Moi, White, ben, c'est ça, j'aimais ça, man. Moi, il a dit, si tu comprends pas la première fois, j'espère que la deuxième fois tu comprends, puis la troisième fois il est bien mieux de comprendre. Ben oui. Il a dit ça devant les médias. Ça, là. Ouais, j'espère qu'il l'applique. Admettons que ça change déjà beaucoup de Jacques Martin, là, qui était comme tellement politicien, là, puis c'était l'enfer. C'est quoi qu'il disait tout le temps, Jacques Martin? Ouais, il disait. Non, non, il y avait toujours un mot qu'il disait. Effectivement. Effectivement, ouais, petit homme. Tu sais, effectivement. Non, Ryan White, là, pour vrai, moi, c'est le genre de joueur que j'aime avoir dans le line-up. Là. C'était d'autres choses, mais c'était pas effectif. Mais tu t'en rappelles qu'il y avait un mot qu'il disait, mais non, il était fatiguant que ça. Mais c'était un bon coach, ça. Ben ouais! Non, mais genre, mettons au blanc, mais on s'est rendu en finale de l'Est avec lui. Oh, ouais! Ah oh, non, on s'est rendu en finale de l'Est, man. Non, ouais, mais je disais, c'est un bon coach, mais il était comme... Après la première année, on dirait qu'il n'était plus capable de rien faire. C'est un bon coach, ça. C'est un bon coach comme un an. Ouais, mais on peut utiliser ça, Michel Therrien, de l'année prochaine, s'il est proche, on dit ça, Michel Therrien. Michel Therrien ne peut jamais être proche de ce que Jacques Martin a parce été. Parce que ça, ouais, c'est... je sais, mais Jacques Martin était bon. La première année, on voulait tout le... Michel Therrien a passé par Montréal, s'est ramassé dans la Ligue américaine pour l'équipe des Pingouins, pour monter dans les Pingouins, puis après ça, genre, être comme un vrai... Tu sais, il y a comme... Mais qui tu parles? Jacques Martin ou Michel Therrien? Michel Therrien. T'as dit Jacques Martin. T'as dit Jacques Martin? Oui. Ben, je voulais dire Michel Therrien. J'ai un... La fait... Canadien avec les Pingouins, what the... Fait que là... fait... Je me suis trompé de nom. Regarde, écoute, là, t'as moi, tout le temps, je me suis trompé de bon, nom. Ouais. Même moi, on va pas vérifier avec ça. Je voulais juste te dire, pas que t'as l'air fou, là. Non, j'ai l'air d'un petit débile mental. Regarde, c'est pas grave, je m'en calisse. T'as dit Michel Therrien. Mais mon Dieu, calmez-vous. Toi, mêle-toi tes affaires. Femme ta gueule. Madame de la map. Vas-y, David, fais ton point. Non, mais c'est ça, fait que tu sais, il y a de l'expérience. Ok. Là, c'était trop okay. long. Ça faisait, ça faisait 5 minutes qu'on n'en parlait plus. Là. On se suit sur le sujet. Bon, mais. Ok, bon point, David. Je tiens à dire que Michael Ryder conserve son numéro parce que Gallagher lui a donné son numéro gentiment. Êtes-vous d'accord? Non, mais j'ai entendu dire que c'était moyennant une somme. Non, je suis pas au restaurant. Ouais, parce que Ryder mais, l'a dit, je vais lui donner quelque chose en échange. C'est vraiment non, mais je pense que Ryder kid. Il a donné du cash direct. Ah, non, non. Je pense pas, non, mais c'est une affaire qu'une recrue fait un vétéran. Ah, ouais. Puis en même temps, le vétéran, il est content, puis il dit, gars, je vais lui donner quelque chose en échange. Puis il l'a dit à TV, il dit, c'est vraiment fin de sa part, puis je vais y repayer. Dans ouais, ça, mais là. C'est ça, je pense qu'il a refilé comme dread du cash ou quelque chose de mal. Ben non, ça. Il va dropper, gars. Les règles de joueur de hockey, ça va être un super au restaurant. Tu sais, genre, ben, non, c'est ça. Comme quand, non, mais quand il joue contre son ancienne équipe, un joueur qui joue contre son ancienne équipe, ça, c'est, souvent, c'est du cash. Non, ils font un bet, mettons, 1000$. À toute l'équipe. L'équipe, si mettons l'équipe, il score un but, il ne doit pas d'argent. s'il ne score pas de but, puis si, mettons, mettons Pros contre les Rangers, il score un but, l'équipe, il doit 1000$. Ça veut dire un super restaurant, whatever. Tu sais, they bring him out. S'il ne score pas, lui, il paye l'équipe 1000$. Fait que si, genre, si je repars, mettons, en équipe, quelqu'un qui va faire un voyage, ben, il va payer 1000$. Ça paye bien plus, là. Ça paye comme 5000, ça paye 3000. Genre, comme les. C'est ça même, là. Mais c'est ça la règle. Comme si lui, la prochaine fois, genre, il va se faire payer un cadeau ou quelque chose de l'équipe. Comme les rookies sinon, qui jouent le premier game, ils payent total lunch. Il faut qu'ils payent le SP, ouais. C'est exact. Puis s'ils scorent, puis tout, ben là, ils ont des petits prix, des petits cadeaux, puis tout. Mais ça, c'est un gars. Imaginez-vous un gars. Hein. On est 23 gars, puis. Tu sais, on fait ça. Tu te payes le lunch, puis. Non, mais on est tout millionnaire, là. Ah, c'est ça. Imagine que tu gagnes juste comme 900 000 par année. Là, c'est quand même 900 000. Pauvre gars, tu gagnes juste 550 000. 900 000 moins impôts, là. Il faut quand même dire. Même 550 000. Au Québec, c'est cher. Même 500 000, là, c'est comme qu'est-ce que tu peux payer un repas au restaurant tous tes chums. Non, là, ça a coûté quoi? Même pas 1000, ça a coûté 2000 quelque part. Mais ça mange un joueur de hockey. Puis Gallagher qui prend le numéro 11 finalement. Le numéro, le numéro de Sakuka et vous. Mais comment? Scott Gomez. Ben le numéro qui vient dans l'Imineur. Mais là, justement. Brian Savage. Non? Kirk Muller. Brian Savage, c'est le 11 ou le 19? Non, il y avait 19. Brian Savage. Hey Alex, tantôt là, tu demandais la statistique de Trevor Timmins. Ouais, ouais. Ben, je l'ai. Tu l'as, man. Combien de joueurs que je joue dans la NHL? Il y en a quelques-uns. Vingtaine. Présentement. Présentement. Right? Pas qu'ils ont déjà joué dans la NHL, mais présentement. Mais je pense que. Je pensais qu'il était là depuis plus longtemps que ça. Ah, mais ouais? J'ai jusqu'à 2003. Ouais. Je pensais qu'il était là. Ah, il est arrivé avec Gainé, dans le fond, lui. Non, ah, mais c'est avant c'était l'air André Savard. Mais. Ok, mais là, on a André Costine. Le meilleur DG du Canadien Costine ever. Costine joue plus. Les deux Costine ne jouent plus dans la Ligue nationale. Mais ils jouent plus? Non. Waouh, je ne sais même pas. Mais tu sais, bon, les deux Costine, bon, Lapierre, Auburn, Corey Locke, Mark Flood, Jaroslav Halak. Flood, il Carl joue Chipchura. Flood. Carl Chipchura. Carl Chipchura. Chipchura. Phoenix, il a scoré deux buts aujourd'hui. Hey, Chipchura. Hey, c'est lui. C'est lui qu'on. c'est lui qu'on voulait bon comme joueur, capitaine, hein, à un moment donné. Il pensait que Chipchura était un bon candidat pour être le capitaine du Canadien. Hey, Alexis, non, c'est le même. Là. Hey, qu'est-ce que tu dis là, toi? Là? Chipchura, là, sérieusement. Capitaine de l'équipe. Ouais. Tu vas te calmer un peu, une heure, là. Non, mais calmez-vous parce que c'est ça. À un moment donné, là, c'est comme Chipchura. Quand il cherchait un capitaine dans le temps, là, qui n'a pas donné de capitaine pendant une saison complète, sous l'air de Jacques Martin. C'est comme. Ouais, dégueulasse. Ta dernière idée était bonne. Chipchura, c'était considéré comme un des futurs grands leaders de l'équipe. Ok, Sergei, il joue encore à Nashville. Dave, c'est encore. Qui ça? Sergei, ben oui. Sergei est encore à Nashville. Costume, lui, il est plus là. Il est où, man? Il est dans encore à Shell. Je m'ennuie. Ouais, t'ennuies pas, man. Après ça, on a Alexis Yemelin, JT ben Wyman, Mikhail Grabowski, Greg Stewart, Toronto, man. Mark Streit, Carey Price, Guillaume Latendresse, Matt Agostini, Sergei Gostitin. On a Ben Maxwell. Ben Maxwell. Il joue, lui. Ben, il est pas à Saint-Louis ou une passe de même. Fini. C'est D'Agostini qui est à Saint-Louis. Quel flop, ça, pareil. D'Agostini. D'Agostini joue même plus. Mathieu Cal, Ryan White, Ryan McDonough, Max Pacioretty, Piqué Subban, Yannick Weber. En 2008, aucun. Aucun. Il était fatigué, c'est à 9 minutes. D'après moi, là, il sentait le fin du règne de Bob. Ryan O'Byrne, qu'est-ce qu'il aurait dans son jeu? Là, j'ai Louis Leblanc puis Gabriel Dumont. Puis là, ben là, évidemment, Louis ça arrête en 2009. Fait qu'on a 2010, 2011, 2012. Dumont qui a été rappelé en plus par Montréal. 2010, 2011, 2012. Ouais, Dumont vient d'être rappelé par Montréal. Il fait le voyage pour le prochain voyage. Ça, là, c'est une belle expérience. Mais qui va être benché à la place? Là, ça va être fantastique. Ah, mais qui va être benché? Il va faire un beau voyage. Il va faire un beau voyage. Hey, non, mais les gars, c'est hâte, ça. C'est qui va être benché à l'attaque? Personne. Ben, Dumont est juste là pour être là. Ben, Dumont, il joue quelle position? Mais c'est un forward. C'est un forward. Ouais. Centre ou un attaquant? Ouais, je pense que c'est un allié. Un centre, c'est un attaquant. Puis qu'est-ce qui se passe avec Leblanc? Leblanc, il produit pas. Il produit pas, il est mineur? Non, mais il a besoin de la prendre un peu plus des mineurs, je pense. Fait que c'est ça. Comme Nathan Beaulieu. C'est la liste. Tim Nordy, c'est le prochain défenseur qui est prêt. Je m'attendais à une liste que, plus exhaustive. Je pensais que c'était là cette année. Moi, non. Un peu déçu. Hey, notre défense, t'es un peu déçu, Dave. La défense est blindée. Non, moi j'aime Bouillon pour eux. Non? Ah, mais la défense est blindée. Le 7e défenseur, c'est Caberlé. Pour ouais. On l'a ramené avant hier, puis il était super bon. Mais avant tout, là, mon préféré. Il était super bon. Et oui, il était super bon avec son petit crisse de bâton trop court. Tous les commentateurs disent qu'il a joué une bonne game. Même Michel Therrien, il a dit qu'il a joué en professionnel, puis il a joué une bonne game. Calvaire, Caberlé. Ah, mais hey, non, mais les gars, il est poche Caberlé, mais c'est notre 7e défenseur. Ça veut dire que si on est dans la marbre, on l'amène Caberlé. Ok, ok, mais dis-toi que c'est quand même correct. Ben oui. Il vaut quand même 4 millions de profondeur. D'autres équipes emmèneraient un gars qu'on connaîtrait même pas. Man, c'est comme. Caberlé, man. Yuri Tadouski. C'est comme, what the fuck is this? C'est comme, ben, on emmène Caberlé. C'est quand même correct. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est un 4 millions 200 quelques mille. Non, mais il va le finir cette année. Je m'en fous. C'est pour cette année, je parle. Là. Ouais, je sais. Pendant une game présentement, on a un gars se blesse. Comme, ben, moi, j'emmène Thomas Caberlé. L'autre, il arrête Rémi Tadouski. C'est comme, on s'en calisse, là. Carlson est blessé à Ottawa. Qui c'est qui l'a remplacé? Nobody. On sait même pas c'est quoi son nom. Mais ils ont appelé un gars, man. Mais nous autres, c'est comme, non, nous autres, on va prendre Thomas Caberlé. Raphaël Diaz est blessé. C'est un Suisse que personne connaît, mais on va prendre Thomas Caberlé. Vas-y, man. On peut ramener Yannick Weber. Encore là, parce que c'est un Suisse que personne ne connaît. Ah, mais Robert, là, qu'est-ce qu'il fait à Colorado? Là? Ah, il est quand même, c'est un bon 7e, 6e défenseur. Ouais, mais c'est Robert. Ça, 7e, 6e, 7e. Il a sa job cette année depuis 3 ans. Le 2e gars qui a scoré dans son but, man, de l'histoire de la NHL. Hey, deux fois, man. Hey, non, il y en a eu plein. Deux fois. Non, il y en a eu plein. Il a compté dans son but d'un Canadien, puis il a compté dans son but avec le Colorado. Non, mais je parle... Really? I didn't see that. Check it out. On parlait de Auburn. Il a compté dans son but deux fois. Il vole des sacoches. Mais deux fois. D'où ça, c'est dur à trouver. La mugshot. Tu battras pas deux fois dans son but. Ryan mugshot Auburn. Il a volé une sacoche. J'aimerais avoir ses statistiques sur le vol de sacoche présentement. Dude, man, c'est facile. J'aimerais savoir si c'est plus pis c'est moins. Man, faudrait les rumeurs qui se sont vraiment passées par rapport à ça, c'est Cristobal Huet, man, t'arrives, ça va être chussé par une fille dans les toilettes. Puis après ça, supposément que quand il est revenu, la fille a pogné la sacoche, le téléphone à Cristobal Huet, puis elle a pris des photos pendant que ça se passait. Puis elle a mis le cylindre dans sa sacoche, puis il break Ryan O'Byrne pour défendre le vétéran Cristobal Huet. Wow. Il a pogné la sacoche, puis il a arraché. Tout un joueur d'équipe. Non, mais les gars se tiennent entre eux autres. Bro Code, puis Cristobal Huet était marqué. Méchant Bro Code, là. Il y a Bro Code. Avant, c'est Steven Antol. Le Bro Code, ah, le Bro Code, c'est juste, tu touches pas une bitch qui est à l'autre, tu sais, en prison. Non, mais le Bro Code, c'est vrai que c'est ça. Il paraît qu'il a volé la sacoche, ils se sont fait arrêter, puis c'est pour ça que tout a droppé enfin. Mais il paraît que c'est ça, c'est parce que Cristobal Huet est en train de tromper sa femme. Puis c'est à cause de ça qu'il s'est fait le pogner parce qu'il essaie de racheter les preuves. Hey, là, dis-le pas d'un coup que la femme a Christo. Je m'en fous, ils sont en Suisse. Bon, on est rendu en France, right? Des rumeurs percutantes ici à la soirée du podcast. Hey, non, un scoop. Tu patines à ça. Wow. Dude, c'est les meilleures rumeurs que tu parles. Hey, c'est ça qu'on vous dit. C'est comme un moment donné qu'un Surrey, dans le Vieux-Montréal, il se parquait jamais à bonne place. Il se pognait tonne d'étiquettes. Puis après, il y avait un gros feu sauvage parce qu'il couchait avec une fille du West Island. Tu vois, Martin drop son micro. En tout cas, c'est ça, ce rumeur-là de Montréal. J'aimerais connaître tes informateurs, Alex. Ça a l'air vraiment plugué. Hein. Je te dis, je suis. Ah, des bonnes plugs. Wow. C'est ça qui est arrivé. Ben ouais. On continue. Ben, parlant de bonnes plugs, Raymond Bourque qui fait une commotion cérébrale. Ben, Raymond Bourque. Non! Pas le numéro 67! Y'a-tu si tu pétais une hanche dans ses matchs? Les rumeurs Alex m'ont tué dans son lift là, qui monte l'escalier et qui descend. Le lift a pété, ben c'est pété une hanche puis c'est quand il en tête. Fait que comment ça, Raymond? Pas Raymond. C'est un excellent joueur de hockey. Bon, Raymond qui fait la game des anciens au Centre Bell bientôt aussi avec Luc Robitaille. Mais non seulement Raymond, mais René Bourque aussi qui fait une commotion apparemment présentement. Ben une commotion en retardement. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est cogné la tête sur le banc. Moi je pense que c'est. Ben la commotion est à gagner en Diaz. Commotion en retardement. Ouais, mais Diaz, tu vois qu'on est sénateur qui se fait supposément donner un coup de mollet. un coup de dos. Ok, c'est un coup de mollet. Tu prends la tête dans le dos. Non, non, mais tu vois genre juste la jambe revenir par en haut, puis ouais. Il se fait un coup. Okay. Tu sais pas si c'est trop de ouf. C'est comme, on dirait que c'est un coup de mollet à TV. Mais. C'est mieux qu'un coup de skate. Bourque, là, tu sais, c'est comme quel team à un moment donné que. Le joueur a essayé de pogner Jean Plekanec avec le genou dans le milieu. Puis ils se sont tous rencontrés dans le genou. Puis Steve Book a mangé un petit coup de poing sur la gueule. Puis il est tombé direct sur la glace. Non, c'est un samedi. Ça, non, c'est l'antenne à Calgary. Je m'en rappelle. C'est durant un samedi Subway, mon Phoenix. Ben, ouais, parce que là, tu chantes ton sang belle. Un samedi Subway. Non, mais c'était contre quelle équipe, ça? C'était salaud comme geste. Oh, à la fin de la game. C'était salaud, le joueur. Non, mais ici, ben, à la fin de la game, il y a un gars qui a essayé de pogner Plekanec dans le genou. Non? Ben, God. Non. Excusez. En tout cas. T'as peur, Alex? Non. Non. En tout cas, il y a une brawl dans le milieu. Puis, Asti, René Book s'est fait casser vraiment un coup de poing. Puis, c'était le premier gars qui est arrivé dans la brawl dans le milieu. Puis, le gars l'a juste swingé. Puis, il a pogné juste Asti, René Book sur le menton. Super brawl. René Book tombe tout à terre. Fait que Book s'est fait knocker. Puis, il tombe à terre. Ah, tu vois, il tombe à terre. Moi, je suis sûr que c'est là, man, sa commotion cérébrale. Pourtant, René Bourque était sur une bonne lancée depuis qu'on a dit qu'il avait un début de saison là, puis après ça, il est parti sur une lancée. Ah ben, pour vrai, c'est un de bons joueurs cette année. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Dave? Ouais. Oui, ah ouais. Bon, je propose qu'on fasse un petit survol de la NHL là, en général. Là. Laissons faire le Canadien et allons à la Ligue nationale de hockey. Simon Gagné de retour avec les Flyers. Le commotionné. Ouais. Martin est fait juste. Ouais, non. Simon Gagné, par le vrai, il a eu son premier but de l'année avec les Flyers. La journée qui a été, il a été tradé. Ouais, il a eu son premier but. Man. Ça, c'est une super carrière. T'arrives, tu gagnes ta coupe cette année. Tu gagnes ça, fuck it. Purée, expérience. Là, tu vas juste jouer au hockey. Puis après, c'est comme fuck, je fais rien. Là, tu fais changer, tu comptes ton but. Yeah! Là, tu capotes. Là, tu reviens avec l'équipe qui t'a pris là, hein, du début. Moi, je suis content pour lui. Puis là, tu vas sûrement. Genre, avoir une commotion dans 2-3 games. Tu vas être blessé dans 5 games. Parce qu'à ça, tu joues dans l'Est. Ou des douleurs au cou. Non, tu joues dans l'Est. Dans l'Est, ouais. Là, il faut qu'il pogne. Puis il va jouer contre les Pingouins réguliers. Puis il va jouer contre des. On reste c'est plus fort dans l'Ouest pour ça. Là. Pour la vérité. Physiquement, man, ils sont bien plus gros dans l'Ouest. La seule équipe qui sont grosses dans l'Est, c'est Toronto. Ça a tout le temps plus joué tough là, dans l'Ouest. Oh, man, ça fait mal. Ça patine vite, même, puis ça frappe. Plus de points comparé à l'Est. C'est tout le temps comme les points sont tout à booster. Ça parce que les bonnes équipes gagnent, les équipes poches perdent. Mais sérieusement, ça. L'Ouest, c'est pas mal plus robuste. Ah, c'est dans l'Est, c'est quoi? Ils deviennent-tu une équipe trop puissante pour l'Est? Non, mais dans l'Est, il y a trop de parité. Toutes les équipes sont le même talent. Il n'y a pas vraiment de super team. À part une couple d'années pingouins, mais il n'y a pas de super team. C'est quoi dans l'Ouest? C'est quoi ton super team? Non, mais il y en a du super team. Non, dans l'Est, il y a des hosties de super team, mais ils sont comme mal exploités, man. Tu sais, check les Capitals. Check Washington, ça marche pas en tout. Puis ils ont tous les hosties d'éléments possibles. Mais c'est pas des équipes balancées. Non, mais c'est ça. Non, mais le balance, il est à quatre parts. C'est un mystère, là. Les Pingouins, cette année, là, ont bonne défense, une bonne attaque, mais ils n'ont pas de goaler qu'à part quand c'est Fleury. Puis Fleury, pour de vrai, il commence à crumbler un petit peu. Là. Il n'a jamais été super pas bon. Pas l'âge déjà, Fleury. Non, mais Fleury était bon, mais il n'était pas super bon. Il laisse souvent les goals faciles. Quand on joue contre le Canadien, contre les Pingouins, il a laissé des astuces de goals faciles. Puis d'insérer tout. Ouais, il a fait des astuces de bel arrêt, mais il a fait des. Il a fait des astuces de goal. Il break bon. Facilement. Il peut être bon, mais il peut être pas bon. Hey, exact. C'est Chicago dans l'Ouest. Ça, c'est un super team. Corey Crawford. Défaite, hey, wow, aucune défaite en temps réglementaire. Ouais, exact. Non, après 21 games. Ouais. Après 21 games. C'est comme 3 défaites en overtime. C'est comme tabarnak. C'est fou, là. Non, c'est mais un là, record, man. Ouais. Ah, non, c'est fou, man. Mais t'es check joué, puis les défenseurs sont tellement loin ouais. Dans la zone adverse quand ils avancent. C'est comme ouais, c'est malade. Il y a Duncan Keith. Ils sont fous. Il y a Sharp. Man. Ils n'ont pas une si grosse différence avec l'équipe l'année passée. Non. Ils sont surprenants à cause de ça. C'est comme l'année passée, ils ont fait les séries comme limite. Il était, je pense, 8e là, au classement. Là. Puis. Barnac, ça passe vite. Hein. Puis, il était 8e au classement. Puis, je veux dire, cette année, ils sont premiers. Puis, ils sont fous, man. C'est Ils ont viré comme bout pour bout. Là. Ouais, mais ouais. En même temps, Canadien aussi. Ouais, il était comme 15e. On a fait plus un sérieusement, que Montréal, autres, c'est la surprise. Là. Ah, vraiment, c'est la surprise de la Ligue. C'est la surprise de la Ligue nationale. Là, parce totalement, que personne jamais on n'aurait pu passer. Montréal, c'est la surprise de la Ligue la même année qu'il était avec Carbonneau là, quand il est arrivé. Non, c'est arrivé plus tard dans la Ligue. Là, c'est arrivé de bonheur. Même pas. On était une équipe. Ouais, mais la saison est plus courte. Ouais. Je propose qu'on aille en prolongation parce que j'ai quelques sujets qui me restent. Mais faut faire la glace. Vous autres, les gars, avez-vous besoin de refil de bière? On va aller tout en prolongation. Allez chercher votre bière tout de suite, mais on coupe pas. Nous autres, on continue. Puis, okay. Dave, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux présentement? Ben là, on a de la pub. Là. Papa Cassette nous a fait de la pub. Hey, merci, Dom. Puis Abs, à commercial, _ Go Abs Go, qui retweet tout ce qui est Go Abs Go, ouais, okay. Nous a retweeté. Fait que c'est de la bonne pub, gratis. C'est ça, là, sur les réseaux sociaux, ça parle de Chicago et ça nous dit que Bergevin devrait échanger Caberlé. S'il le fait, ce sera un génie. Est-ce que Caberlé a vraiment une valeur de revente, tu penses? Malheureusement, pas très grande. Sauf ça, que je pense. Il faut, qu'un, pas, faut là, qu'une équipe soit prête à encaisser un salaire de l'année prochaine, 4 500 000. C'est pas n'importe quoi, là. Mais, même bien mais au moins, tu te dis, bon, ben, une équipe qui n'a pas une bonne masse salariale, qui va vouloir augmenter sa masse salariale puis aller chercher un défenseur qui est quand même un certain talent, là. Ouais. Ben ça peut peut-être valoir la peine. Tu vas augmenter ta masse puis il reste juste une année, fait que ça peut être bon. Fait que peut-être que l'année prochaine, s'il rachète pas son contrat, il va réussir à l'échanger quelque part. J'ai hâte de voir. Puis en même temps, tu dis qu'il y a des équipes qui ont voulu de Scott Gomez. Fait. Il est preneur pour quasiment tout présentement. Oui, sauf qu'ils l'ont. Ils l'ont pas payé son salaire. Là. Non, vraiment pas. Ils l'ont payé 700 000. Il paye 10% de son salaire, puis nous autres, on paye tout le reste, dans le fond. Ah voilà. Ouais, commence la patente. Bon, ben, on entre dans la prolongation, les gars. Pas de timer, pas rien. Puis, Il y a Ro qui me dit que vous avez l'air sous-popé. Aucunement. Qui? Aucunement. C'est pas parce qu'on a fini une 24 pendant le show qu'on. En tout cas. J'aimerais qu'on parle, les gars. Là, on est en prolongation, on commence à être fatigué. Ouais. Oh, ben, il est tard aussi. Puis j'aimerais qu'on parle du cas Ryan O'Reilly, les dudes. 10 millions pour 2 ans avec l'Avalanche du Colorado. 10 millions, 2 ans? En fait, oh, ça, c'est l'offre, les Flames l'offre qu'on va faire qui a ça. Été à côté. Ouais, les Flames vont faire 10 millions pour 2 ans. Puis l'Avalanche est à côté, cette offre-là. Je comprends qu'on n'est pas. T'sais, on n'est pas tous des experts de la section Ouest. Non, vraiment pas. Ouais, ouais, moi, je pas. J'avais même pas entendu parler de ça. Really? Ouais. Really? C'est la grosse histoire, là, pour vrai. Sur RDS, à Spawn ça joue tout le temps. Il parle juste de ça. O'Reilly qui a. TSN. Qui a pas joué un match encore non plus, O'Reilly. Non, mais ça, c'est un cas comme la Piqué-Souban. Non, c'est un cas comme la Piqué-Souban. C'est une recrue qui est super talentueuse. Ok, moi, je sais. Puis. C'est un first round. Il paraît que les Canadiens ont été intéressés à eux autres. Tu donnes mes. Ouais, non, mais les Canadiens étaient intéressés. Mais sais-tu quoi? C'est que Colorado, ils demandent, là, sont ben trop gourmands. Mais non, non, non, hey, non, ça. T'es pas obligé de faire un échange. Tu fais comme les Flames. Les Flames, ils ont dit, j'y offre 10 millions pendant 2 ans. Là, ça, c'est une offre hostile. Là, mettons, Dave, c'est les Avalanches. Moi, je suis Calgary. Je dis, hey, je t'offre 10 millions sur 2 ans. Lui, il faut qu'il dise la même affaire. Hein. Faut qu'il dise, hey, je t'offre 10 millions sur 2 ans, puis il garde. Non, je comprends. Si tu viens à moi, je donne mon premier puis mon deuxième choix au repêchage. Si, mettons, je gagne le bid... Faut que je donne mon premier puis mon deuxième choix au repêchage. Hey, ça coûte cher. Ça, les Calgary est dans le bas de la cave. Ils font pas une série cette année, Calgary. Ben, Calgary God sont... bless Monsieur Bob Bartley. Calgary sont jamais capables. Bartley. Bartley, il chaud. Bartley, de la misère cette année. Mais ils ont un guide là. Ils ont tangué. Hey, Camilleri. Hartley, ça, des gars de 30 ans, ça. Ils n'ont pas de jeunesse. Ouais. Il fallait qu'ils aient cherché O'Reilly. Puis Camilleri, l'enfant pleureur, qui a réussi à avoir son A sur le chandail à Calgary, doit être donc content. Ouais, mais ça, là, l'offre que l'Avalanche a fait, que Calgary a fait à l'Avalanche, c'est un double tranchant. C'est deuxièmement, tu peux faire. Ouais. Mais en même temps, les Avalanches, c'est leur compétiteur. Que... Ouais. Fait que là, en même temps, ils leur forcent à booker 10 millions sur 2 ans. Puis eux autres, ils n'ont rien pris. Parce qu'ils ont fait un offre hostile. Vu qu'ils ont été obligés de légaliser pour le garder, man, ils ont 10 millions, ils ont 5 millions sur la masse salariale. Puis en même temps, Calgary, ils ont besoin de se rajeuner. Parce que là, ils ont un gain là, Tanguay, Camilleri, c'est tous des gars en haut de 30 ans. C'est le premier trio. Mais là, pourquoi ils ne signent pas? Mais là, les Avalanches viennent de le signer. Là, c'est signé automatique. Okay. Si t'égalises l'off, ça veut dire que tu viens de faire un off. Puis ça, c'était comme, comme Montréal avec Piqué-Subban. Parce que Piqué-Subban, il était pas rien dans la même situation. N'importe quelle équipe, mettons Boston. Sauf qu'il n'y a pas eu d'off en style, par exemple. Ah non, parce qu'ils savent que le Canadien aurait tout de suite dit oui. Parce que mettons, il aurait fait 6 millions sur 3 ans à Piqué-Subban, c'est sûr que le Canadien aurait dit oui. Mais personne voulait offrir ça, parce que gars, pour le vrai, Subban n'avait pas raison là-dessus. Non, c'est clair. Toutes les équipes pensaient à la même affaire, que non, tu vas faire ton contrat. T'es pas sûr, tu sais, you're a liability. Tu peux être super bon comme tu peux vraiment en poche, comme Commissarek. Fait qu'on voulait le tester 2 ans. Non, mais t'as peu, je pense pas. Non, regarde. Les autres équipes avaient le droit de faire une offre sur Subban. Absolument. Ben oui. Mais le Canadien aurait pu égaliser. Si on égalise pas, parce que le Canadien a les droits sur le deuxième. Fait que ça veut dire que si, mettons... Ils peuvent égaliser toutes les offres. Ils peuvent égaliser les offres, mais si, mettons, une équipe offre un contrat à Subban, puis que le Canadien dit « OK, ben, vas-y, man, va jouer là-bas », mais l'équipe qui offre le contrat, il va lui donner quelque chose en retour. Je pensais qu'il y avait une clause de plus dans l'affaire de Subban qui était vraiment rattaché avec le Canadien. Non, ça, c'est une clause de non-échange. Non. C'est pas tout de suite, c'est après qu'il soit joueur autonome. Mais je me suis dit, il y aurait eu pas mal plus d'offres qui seraient venues des autres teams. Mais c'est pas arrivé présentement parce que Subban a encore des choses à prouver. Pour revenir, la situation de Riley, c'est égal à la situation de Subban. C'est juste que Colorado a attendu tellement longtemps avant de faire une offre que ça a permis aux Flames de dire, ben nous autres, on va en faire une. Toi, t'es notre compétiteur direct. Fait que soit tu vas être obligé de locker 5 millions sur ta masse salariale par année, ou sinon, nous autres, on va pogner un de tes bons joueurs. Puis on va le payer 5 millions par année parce que nous autres, on s'en vient vieux. Puis tandis que Colorado, on passe pas ce problème-là. C'est un jeu de coulisses, tout ça. Ben, pour le reste, c'est les finances. C'est comme l'échange Cold Rider. C'est un peu comme à la bourse. Ben, l'échange Cold Rider, voilà. c'est un échange qui est monétaire, 9 millions sur 2 ans l'année prochaine. C'est pour ça que l'échange est écœurant. Premièrement, tu libères la masse salariale. Ouais, puis plus Gomez. Fait que là, on a 11 millions, 12 millions. En plus, tu vas chercher le joueur qui a le plus de points entre les deux. Ouais. Puis après ça, l'année prochaine, on a quoi? Là, on a libéré Gomez, on a 7 millions. On vient de libérer Cole, on a 4,5 millions. Ça fait quoi? Ça fait 11,5 millions. Ça masse la 68 points. Après ça, on va libérer quoi? Caberly? Ça, c'est nos 4 millions. On n'a plus besoin. Hein? Là, on va perdre Weber aussi, on a encore des droits, je pense, sur Weber. Fait qu'on va avoir un petit quelque chose pour, à la limite. Là. On va avoir un choix repêchage. On devrait l'échanger cette année à la fin. Il n'a pas joué, par exemple. C'est pas grave. Tout ce que tu vas réussir à y échanger, c'est les droits du joueur. Fait que that's it. Changeons de sujet. Dave, que se passe-t-il sur les réseaux sociaux présentement? Est-ce que le chatroom est en feu? Ouais. Non, mais là ça brasse. Là. Ça dit justement que c'est une folie 5 millions par année. Puis que. Puis que l'avalanche aurait pas dû bretter. Non, mais c'est comme un con. C'est sûr qu'il n'aurait jamais dû signer. C'est pareil comme l'offre hostile qui a été faite de Philadelphie à Shea Weber. C'est ça? Ouais. Que dégueulasse, là. C'était comme vraiment comme 7 millions sur 9 ans. Tu sais, c'était comme 100 quelques millions, mais ils n'ont pas eu le choix. Tu sais, l'autre équipe adverse, je ne m'en rappelle plus, je m'excuse. Je ne m'en rappelle plus l'équipe exacte. Mais ils ont été obligés d'égaler. Puis pour de vrai, c'était dégueulasse, cette égalisation-là. Mais c'est des marchés compétitifs. C'est la même chose. Colorado contre l'Avalanche. Sont toutes les deux dans la zone du milieu, c'est compétitif, c'est les fans à fans. Rendu là, c'est même plus une question du joueur puis de son talent, c'est une question de qui va à côté quoi puis le. Non, mais tu sais, les Flames sont dans le bas fond puis les Avalanches et tout, fait que c'est une équipe que tu peux vraiment influencer avec les joueurs que t'as pour pouvoir monter peut-être 3 positions plus haut. Fait que si t'es 11e, tu fais une série, sinon c'est comme l'Avalanche puis Calgary, ils se battent toujours pour une place en série. Puis c'est un ou l'autre qui fait des séries, fait que c'est correct de faire ça à l'autre équipe, de dire je vais te forcer à payer 5 millions sur une masse de 64. Puis moi au pire, je vais garder un bon joueur. Mais c'est quoi je suis la prêt masse à l'année payer. Prochaine? 78? C'est 64 millions. C'est pas 68? On n'est pas à 72 présentement, puis ça baisse de comme. Ça descend beaucoup, man. Ouais, notre téléspectateur pourrait le dire. Mais je pense que c'est 64 ou 68. On a Ro J qui dit que le cap salarial va baisser. Fait qu'à cause de ça, justement, on va pouvoir se signer peut-être deux bons attaquants. Exactement, il comprend. Puis en plus, ouais. Qui qu'on a, mon petit ami, on a Getzlaf, mon ami, qu'on peut aller signer. Getzlaf, il s'en va pas. Ils vont garder Getzlaf. Ils vont pas échanger pas, Corey Perry. Ils ont Getzlaf, Corey Perry, Bobby Ryan. Ils vont garder Getzlaf. Moi, je prendrais Getzlaf avant Corey Perry. Il y en a deux autres qui s'en vont, mais qu'on voudrait. Ben ouais, mais en tout cas, Getzlaf, je prendrais demain matin. C'est Getzlaf qui s'en va avant Corey Perry puis Bobby Ryan. C'est Getzlaf qui s'en va parce que c'est le plus vieux. Puis tu penses qu'on peut aller chercher Getzlaf? Ouais. Ben si on est sérieux, ouais. Puis les commentateurs sur, genre sur la télévision, les radios pis tout, c'est là-dessus qu'ils pointent. Ils disent que c'est un gros move qui se prépare pour qu'on puisse être sérieux à aller chercher un joueur comme ça, comme Getzlaf. Ouais, mais Montréal se prépare une shot de même. On là, se prépare parce à que ça. Là, faut, ouais, là, ça. Parce que là, ils perdent la masse. Ils veulent faire un gros move pis ils veulent être dans l'action. La masse 64.3, fait que c'est ça. Fait que là, regarde, déjà, on est à 72 pis on vient d'économiser... Hey, ça baisse en tabarnak. 12? Ah ouais, mais il faut. C'est fou. Ben solide. Hey, man, les Panthers sont obligés. De... Hey, man, Callis, c'est qui? Les Islanders sont obligés d'engager Thomas à quoi? 7 millions par année. Mm-hmm. Qui joue même pas juste pour faire la masse. Ça veut dire qu'il faut qu'il paye, esti. Puis il joue même pas. Juste pour qu'il fasse la masse. Le plafond, le plancher. Ouais, c'est ça, le plancher salarial. C'est dégueulasse, ça. Josie Théodore a une job pour ça, de remercier Kovalev et tout. Ouais. Ce qu'on pourrait en parler, justement. Ben justement, là, c'est là que je m'en allais pour le prochain sujet. Merci, Alex, pour ce segway vers un autre sujet. Tu sais, j'avais de la transition. Ouais. Je savais que c'était dans tes sujets. Il était là en segway. Ouais, c'était excellent. Un segway, une belle transition segway. Sur deux roues, on s'en va sur la lune de miel qui se termine entre les Panthers de la Floride et Alex Kovalev. Ben, il a bien performé à ses deux premiers matchs. À son habitude. Je l'avais voir avec le Canadien. Fait que là, la Floride veut que Kovalev prenne sa retraite. Kovalev veut être payé quand même. C'est fucking oui, Russian. Puis c'est ça qui est ça avec Kovalev. I want my money, I'm Russian. Non, mais le pire. I'll go fly helicopter. Ce gars-là, qu'est-ce qui me dérange le plus, c'est qu'il se compare à Bobby Orr, man. Il dit qu'il est capable de jouer 50 ans. Ouais. Il y a juste un joueur, deux joueurs. Peut-être Henri Richard. Chris Chelios. Ouais. Chris, il avait 47 ans quand il a pris sa retraite. C'est ça. Mais il voulait quand même, là, on s'entend. Il voulait construire un joueur au Blackhawks parce que son fils, il jouait dans l'équipe américaine des Blackhawks. Puis il a dit, je vais jouer là jusqu'à ce que mon fils, il monte. Son fils n'est jamais monté, fait qu'il a pris sa retraite. Grosse déception dans la famille Chelios. Ton fils est poche. Ouais. Oh, ouais. Il peut même pas faire la Ligue nationale. Ma fille pourrait le faire. Non, c'est vrai. Ah, en tout cas. Fait que ça reste à voir pour Kovalev, qu'est-ce qu'il va faire. Il va-tu prendre sa retraite? On va pas avoir ta fille dans le coin. Moi, je veux qu'il prenne sa retraite. J'aimerais ça, voudrais une grande freak de 6 pieds 8. Qui a l'air presque un homme, fait qu'elle n'aura pas de chum. On est de rangée à la maison, peut-être avoir des amis. Mais probablement qu'elle va avoir de la barbe. Calme. Peut-être. Calice. OK. Live, comme j'espère que Kovalev va perdre ça. J'aimerais ça qu'il prenne sa retraite. Ouais. Puis probablement, il mérite de prendre sa retraite. Il est quoi, 44, 45? Il est fini, Kovalev. Il a plus le cœur. Il a perdu le feu sacré. Il a pas perdu ses mains, par exemple. Sérieusement, non, mais il a perdu le patin. Quand tu suis plus en patin, ton sang et ton nez puis passer à la poque parce que t'es en arrière. Ouais, mais à un moment sérieusement... donné, là, c'est comme. Les gars, quoi, ils vont se faire des passes dans le milieu de la glace à la zone dirt pendant que Kovalev puisse rentrer dans la zone. Mais je te dis, les mains de Kovalev, il n'a pas perdu ses mains, par exemple. Ouais, peut-être. La vitesse, il l'avait plus, mais les mains, je veux dire, ça aurait tout à rester des meilleures mains qu'il y a eu dans la Ligue nationale, là, Kovalev. Hey, man, c'est excellent, il ça, man. Il fou, ce gars-là. On peut le voir comme Ron Tognot, man, à la soirée des champions, man, au Centre Bell, à 25$ le ticket, man, pendant qu'il fait les scores. Il était fou. Pendant qu'il patine même pas, puis il shoot des pucks dans le net. C'est bien qu'il va retourner en Europe, puis là, dans les Europes. Non, même dans le KHL, je pense qu'il ne t'offre pas longtemps. Non, mais il va retourner chez eux en Europe. Il s'en fout. Ouais, pourquoi il veut payer, man? Come on, man. Tu ne joues pas hockey, sois pas payé. Ça, get c'est... the fuck out. Non, mais... Ouais. À peu près, man. Get the fuck out. Non, mais ça, mais pourquoi qu'il décide de faire son russe what? Chiant qui dit, ben là, tu vas me payer quand même, même si je ne joue pas. C'est l'artiste. Si tu ne joues pas. L'artiste. Anyway. Dernier point que j'avais, moi, à l'ordre du jour, attends, les gars. Il y a Roger qui nous dit que Kovalev, même la KHL, ne veut pas de lui. Exactement. Il va jouer en Serie B en Suisse. Ah, c'est fini, Kovalev. Il va jouer en Allemagne. Il va finir dans les boys. Mais en Allemagne, il y a une bonne ligue. Ouais, même. Mais il commence à être. Ils ont produit Gok, qui vient des Panthers. Gok. Un joueur. Ouais. Non, quand tu joues à NHL 2008, Jokanesh, tu prends le monde, là. Tu sais, genre, tu filmes, tu vois le monde. Mais là, tu vois Gawk. Gawk, c'est ton premier sound. La Mound. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un joueur allemand dans toute la Ligue nationale qui joue un bon trio. On entend son nom. Jokanesh aussi, qui est allemand. Es-tu allemand? Ouais. Il could be Austrian. T'es sûr? Oui. T'es pas autrichien. Non, je suis sûr qu'il est allemand. Je suis plus sûr, là, avec tes yeux. Je suis plus sûr. Hey, ouais, vas-y. Dernière affaire. Pas comment ça s'écrit? On ferait ça en fusillade. On est en fusillade. Di Pietro qui a fait une blague déplacée cette semaine. Ah, ouais. Ah, Alex, parle-nous-en un peu. C'est bon, c'est tout que Rick Di Pietro, avec son contrat de 16 ans, il vient de se faire tourner dans l'américaine. Il vient de se faire mettre dans l'américaine. Puis finalement, il n'a pas été réclamé. C'est sûr, il n'a pas goalé une game. Ouais. Pis, il a goalé. Ah, il a goalé très récemment. Marge, je te confirme qu'il n'a pas goalé. Non, il n'a pas goalé une game. Non, non. Même s'il a goalé. Crois-moi. Il était là des nets, mais. Il a goalé un bras cassé. Non, il a pas goalé, man. Il goalé jamais. Oh non. Je pense qu'il n'a jamais goalé de sa vie. Ce gars-là, c'était un bon goaleur, mais. C'était un bon goaleur avant. C'était un bon goaleur. Là, 5 ans. Avant qu'il soit blessé. Bref. Avant qu'il signe son contrat, dans le fond. Là, il a été descendu au mineur. Il a été descendu au mineur, puis toute l'équipe, il a passé une entrevue à radio à ESPN, puis il disait, tu sais, comme. Comment tu te sens, genre, que les Whalers, que les Islanders... Les Whalers Je vis dans le passé, je m'ennuie des Whalers. Les Whalers seraient fous, ça. Que les Islanders, t'es retourné dans la ligne américaine, pis là, il était comme, ah, tu sais, genre, ça m'a brisé le cœur, ils m'ont arraché le cœur de mon chest, ça m'a vraiment tué, pis toute l'équipe, pis les fans depuis 3 ans qui m'envoient chier, pis tu sais, qu'on a vraiment des commentaires vraiment pas bons envers moi, j'ai vraiment pensé à me suicider... À cause de ça. Puis il passe à travers la radio, puis il dit tout ça. Puis les fans, quels fans, man? Alors, mais là, ça a fait le tour. Non, ouais, mais ça a fait le tour que ce gars-là, il a passé à se suicider à cause des commentaires des fans. Puis c'était une joke. Alors, ah, mais il son 2500 fans, Chris, dans la place. Non, là. Ça a fait le tour de la chaîne, partout, là, même à Montréal. T'es comme, t'as pas de fans, man, Islanders. Comment qu'un gars peut aimer, veut se suicider, man, à cause des commentaires des fans? Dit Chris, nous autres, tous nos joueurs de t'équipe. Il serait dans un avion, il ferait péter une bombe, là. Tout le Canadien voudrait mourir, non, mais ça a tout fucké tout le monde. Tu sais, ça a surpris tout le monde. Puis après ça, Di Pietro, il a dit comment, non, c'est mon humour. Moi, je c'est une farce, là. Ouais. Mais là, sur NHL, RDS.ca, TSN, man, tout le monde, c'est comme Rick Di Pietro, un drôle d'humour. Avec un accent. Ouais, ce serait RDS. Oh, et puis quand tu te logs sur RDS.ca, ça dit ça, t'entends d'humour. Rick DiPietro. Rick DiPietro. Le monde qui l'ont pas entendu, là, c'est parce que le speaker était fermé. Mais ça, c'est moi qui le dis en plus. Oh, ouais, c'est moi appelé pour l'affaire. Ouais. Rick DiPietro has a droll humour. En tout cas. Vous savez ce que je veux dire? Non. Non. Ouais, la prolongation, c'est ça qui arrive. Les joueurs sont fatigués un peu. Ben moi, c'était mon dernier sujet. Rick Di Pietro, avez-vous quelque chose que vous voulez aborder avant qu'on finisse? Ben oui, moi je veux aborder quelque chose. Ouais, vas-y. On est rendu à 6 personnes. Waouh, on a gagné quelqu'un pendant la prolongation. Ah ouais. Ça, c'est fou. Pauvre personne. Est-ce une question? Il va avoir un mauvais... C'est une question. Est-ce que le monde dans la chatroom a une question ou un sujet qu'il veut qu'on aborde avant qu'on termine la dernière partie? Chance. C'est votre dernière la chance. La fusillade aux fans. Ouais, la fusillade est réservée aux fans. Tiens, okay, c'est un bon, concept qu'on commence. On y va avec la fusillade. Question rafale des fans. Ouais, go. Je me souviens des... J'attends. And now. Je peux te mettre des sons de criquet? Oui. Oui. Alors, ça a plus de commentaires? Ouais. Attends, prends une bonne coupe avant qu'on dise quelconque. On peut parler d'autre chose pendant ça. Ouais, en tout cas, Gatslav, je le verrai à Montréal. Sam Koivu, une nasty bonne année. Ok, tu ramènerais-tu Koivu? Non. Koivu a vécu son rêve, c'est aller jouer avec Selanne. Un bon discussion. Quel joueur, n'importe quel joueur que tu pourrais avoir pour gratis. Gratis, là. N'importe quel joueur que t'emmènes dans le Canadien. Quel joueur que t'emmènes dans le National dans le Canadien aujourd'hui. Sans faire de sacrifice. T'as un joueur, t'as même pas besoin de donner aucun autre joueur. T'emmènes un joueur. N'importe quel joueur que tu choisirais dans la Ligue pour venir avec le Canadien aujourd'hui. Bonne question. Yeah, it's a good question. Gagné. Quoi? Je sais pas. Mais... T'as joué Crosby, Malkin. Non, Malkin, non. Mais quel joueur t'as mené à l'Assemblée? Je sais pas, c'est dur à dire en crise parce que je voulais pas sortir un gros justement. Ouais, comme... J'avoue que Crosby à Montréal. Tu peux sortir, genre, moi je veux une défense solide. Moi je veux un meilleur. Non, moi je veux un attaquant flamboyant à Montréal. Quelque chose. Quelqu'un qui marque. Moi, moi je te dirais. Crosby, je le prendrais à pas, Montréal. Je disais pas, Simon Gagné. Là. De qui, toi? L'autre? Ou Sam. Ah, oh, Sam Gagné, ok. Mm. Non, moi avant ça, je parlerais Patrick Kane. Non, ah, non, mauvaise attitude. 88. Moi, j'adore Patrick Kane. Mauvaise attitude que j'ai entendu. Fan. Moi, c'est un... Ouais, moi, je l'aime, mon gars. Hey, moi, pour de vrai, j'ai c'est plusieurs un... choix. Moi, regarde, moi mais... c'est Patrick Kane ou Pavel Datsyuk. Un Datsyuk. Gars, je prendrais, moi. Là. Pour de vrai, c'est quand vous avez peut-être surpris, mais j'imagine mon équipe avec ce gars-là. Là. C'est pas une superstar. Ben, c'est une star, mais c'est pas une superstar. Je prendrais Milan Lucic. Arc! Ça, c'est ton top player que tu prendrais. Non, pour améliorer mon équipe aujourd'hui, je prendrais Milan Lucic. Non, mais non, Asti, man, je prendrais quelqu'un de bien plus dominant que Lucic. Lucic, là, c'est on a Rogi qui nous dit Stamkos, puis je trouve que c'est un bon choix. Oui, Stamkos, ouais, c'est ça, c'est un autre que j'aurais dit, c'est Stamkos. Moi, je grosserais le Canadien. Stamkos, c'est pas petit, pareil. Mais c'est mon pick. Je grosserais le Canadien avec un bon score. Moi, c'est mon pick, Stamkos, je pense. Je pense que c'est le joueur qu'on a pas. T'as pas un joueur comme Stamkos. Il y en a trop, là, des excellents. Lucic, ouais, mais Lucic. Hey, on prendrait. On ira pas chercher. Ok, ouais, mais j'irai chercher ta balle. Il va te donner combien de points par année, Lucic? Stamkos, il va t'en donner en tabarnak des points. Ouais, mais il faut que tu sois bien entouré. Voilà. Oh, man, Stamkos, là, il va faire jouer n'importe quel joueur. Moi, je veux un joueur total qui va pouvoir me durer des années. Stamkos, c'est un. Bon, c'est un joueur des concessions. Je verrais mon équipe avec ça, mon gars, ça roulerait. On serait c'est un sûr rouleau que c'est compresseur. Mais il y en a tellement. Ah, oui. Check, ok, non, mais attends un peu. Imagine mais un joueur pour le crowd de Montréal là, qui veut voir moi, je veux de la quelque chose de vraiment là, presque agrobatique. Lucic, hein? Lol. Je te dis, Lucic serait bon. Et voilà. C'était un commentaire de la chatroom, Lucic. Ah non, mais gars, c'est sûr lol. Que le monstre. Ouais, moi, je prendrais. Non, mais je le prends. Crosby, je dis pas que je prendrais pas Lucic, mais. Je sais pas c'est qui a envoyé lol, mais ça, sérieusement. C'est pas le premier joueur qui me viendra en tête à aller chercher pour le je l'approuve immédiatement. Mais moi, oui. Pas moi. C'est pas le premier joueur qui me vient en tête. Lucic. C'est pas le premier qui me vient en tête, mais c'est ça qui ferait le plus de sens. Toi, tu penses à ça, là. Avec tous les bons. Même avec genre Tavares, puis tout ça. Puis tout ça. Ah, c'est sûr, il y en a plein. Il y en a plein, man. Je pense pas qu'on a besoin de ça. Je pense qu'on score assez de buts cette année. Je pense qu'on score. Je pense que t'as besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui supporte Bross. Pross est tout seul. Moen est supposé faire ce job-là, mais Pross est tout seul. Tu mets Milan Lucic, on devrait vraiment une équipe rapide et balancée physiquement. Plus personne va te fuck with us. Parce que là, il y a juste Pross. Pross se bat, mais après, Moen, c'est sa job, il fait pas. Ah, mais Moen. On n'a plus personne d'autre ça, après Chris Esti. Georges s'est battu contre un gars de 6 pieds 7 puis il souriait dans la face. Ah, moi, là, sérieusement, là. Mais man, tu Moen, mets un gars de même, mais ce gars-là, il sait jouer, OK? Comme Scott Arnold. Milan Lucic, Scott Arnold, je parlerai de ça dans mon équipe aujourd'hui parce que j'ai les scoreurs que j'ai besoin. J'ai Pacioretty, j'ai Dernier, j'ai Ryder, j'ai Gauthier, j'ai Gallagher, man. On n'a pas un top scorer. C'est pas grave, on n'a pas besoin. On a par exemple, on a 6 gars, 9 gars qui scorent des buts. 3 lignes de 3 qui scorent tout le temps des buts. Fait que on n'a plus besoin de juste une ligne. C'est ça là, qui arrive. Fait que tu prends un gars qui fait ça, qui nous fait nous respecter comme Lucic. Ou genre justement Scott Arnold, mais là c'est là qu'on a des astuces sur sa fesse. Ouais, mais on veut quand même un joueur dominant. Pourquoi? On n'a pas besoin. Toutes les autres équipes, ils ont non, ça. Puis ils ont, ouais, mais je veux dire, oui, les autres équipes, ils ont ça. Non, puis c'est, donc, vrai. C'est sûr, ça nous aiderait, mais présentement, on a 9 joueurs qui peuvent scorer des ouais, mais dans un marché comme Montréal... T'as besoin d'une superstar, je pense. Ça fait combien. Hey, ça, c'est pour de vrai. Tout le monde dit ça. Puis ça fait là, combien je parle temps... marketing. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas une superstar à Montréal? Puis on dit qu'on a besoin de ça. Bon, on est dû, mais 80... Montréal, même à Montréal, 93. Non, à Montréal, t'as pas besoin de superstar parce que à chaque année. T'as besoin d'une équipe qui se donne. Non, mais à Montréal, là, c'est pas compliqué. C'est, à Montréal, c'est la ville où que chaque année, tu te crées une nouvelle superstar. C'est pas vrai. Cette année, c'est Galchenyuk. Non, il n'y en a pas de superstar à Montréal. Depuis avant 93. Excuse, mais Galchenyuk, c'est. Le premier bon pick qu'on a fait depuis un Christy Non, mais j'enlève rien à Galchenyuk, je l'adore. Non, mais regarde, Tu peux pas comparer Galchenyuk. Hey, Dave, c'est quand la dernière fois que t'es superstar à Montréal? C'était Price. Ben non, l'année passée, c'était Subban. Là, cette année, c'est Galchenyuk. Ouais, chaque année, t'as une superstar. Subban, là, ça s'est développé, ça, là. Ça n'a pas été genre, on l'a repêché en disant, hey, ce gars-là, ça va être... On n'a pas entendu parler. Hey, c'est des superstars qu'on se rappellera jamais. Ouais, mais non. C'est des superstars comme un Rick DiPietro, man. Fucking Oleg Petrov. Moi, je te dis... Ross Cardinal. Nobody cares. Ça, c'est des superstars qu'on se donne à chaque des années. Ah, mais c'est ça. Mais ça, c'est des superstars qu'on s'est donné. Sergei Zoltok. Mais ça, c'est des superstars qu'on s'est donné après des années. On n'a pas eu depuis quand des superstars? Non, mais check. La première superstar qu'on a repêchée. C'est les années 80, Patrick Roy. La dernière superstar que le Canadien avait repêchée, c'était genre dans le temps, là, qui ont considéré le plus superstar, là, c'est Sakou Koivu. Là, après ça, genre, t'as juste comme le seul qui est repêché après, c'est Galchenyuk, là. Tu sais, je veux dire, ils ont jamais repêché personne qui allait devenir comme superstar, là. Ouais, ouais. Mais je te dis, c'est vrai, pour vrai. Mais avant ça, c'est pas une superstar, son chalet sera jamais retiré. Ouais, mais il était considéré comme superstar, là, quand ils l'ont repêché. Là, c'est comme, ah, Koivu, il va être bon. Ouais, il va être bon, man. Il va être bon comme Galchenyuk, il va être bon comme Komisarek, il va être bon comme. Ben, je pense que Galchenyuk va aller un petit peu plus loin. Il va être bon comme P.K. Subban. Il va être bon comme, hey, ben, tous nos gars vont être bons, man. Il va être bon comme Jared Turner-Hardy. Il va être bon comme Nathan Beaulieu, man. Louis Leblanc, ça va être bon, man. Hey, attends, là, on a Papa Cassette, là, qui nous parle de Robert Lang. Puis de Brian Slominski, man. Slominski. Dude, avez-vous entendu cette semaine, Guy Carbonneau disait que ça a fait le mal dehors parce qu'il y a plusieurs blessés, dont Robert Lang. Moi, je suis comme, dude, come on. Tu peux pas dire ça. Ça veut-tu dire que ça, c'est la fin de la partie? Bon, ben écoute donc, je peux rien dire. Est-ce que si vous avez plus de sujet, on va mettre fin au match, les gars. Check. Mais ça fait le tour de... Bonne game, les gars. Ça fait le tour de l'épisode numéro 2 de la soirée du podcast. Les gars, où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux? Êtes-vous tous sur Twitter? Oui, on est tous sur Twitter. Alex, Draven, SS, Martin, yes. DMB0480, Dave, Mr. Miniwit avec un petit underscore. Ouais, MR. Fais ça fancy. Ouais. Puis moi, JF Cromp. Ben, coudonc, c'était la soirée du podcast. C'était la soirée du podcast.